Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire, on doit la reconstituer parce que, disons, avant Roméo et Juliette, les amants maudits, bon, encore aujourd'hui, Tristan et Isolde, on les connaît surtout pour ça, c'est le nom des amants maudits, leur amour ne peut pas se faire, l'un ne peut pas vivre sans l'autre, et avec cette image finalement assez poétique de leur union dans la mort avec les deux plantes qui s'unissent. Mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si vous regardez la strate la plus ancienne, elle est dans un terriblement mauvais état. La version de Beroul, on a un manuscrit, la version de Thomas, on a que, entre guillemets, que 6 ou 7 manuscrits. Donc aucun n'est complet, on a que des fragments, on a seulement un fragment de la fin au mieux, on n'a absolument pas le début de l'histoire, d'ailleurs ni chez Beroul ni chez Thomas. Si c'est ça qui est arrivé à ce best-seller, en tout cas en termes de légende et d'image, etc., on peut imaginer la quantité d'œuvres mineures qu'on n'a pas, ou aussi comprendre que certaines œuvres, on n'a qu'un manuscrit, ou que c'est presque par pure chance qu'on les a aujourd'hui. Je confie donc à Tristan, mon neveu bien-aimé, le commandement d'un de mes vaisseaux. Qu'il fasse voile séant vers l'Irlande afin d'y chercher la princesse Isolde la Blonde et qu'il la ramène en lieu sûr ici même. C'est le chevalier dont je t'avais parlé, Messire Tantris qui vient d'Écosse. Bien donc, je croyais qu'il était très malade. Il l'était, mais je l'ai guéri. Il souffrait d'un empoisonnement du sang. Il y a quelques années, Mère m'avait appris à soigner cela. C'est une grande chance pour Messire Tantris d'Écosse. Venez, Messire Tantris, suivez-moi. Know that I love you, Tristan. Wherever you go, whatever you see, I will always be with you. Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Épisode 13, les romances françaises de Tristan et Isolde. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler on va faire un petit retour en arrière, on revient un peu sur nos pas parce qu'on va parler d'une histoire qui a déjà eu une influence sur ce dont on vous a parlé précédemment. L'histoire, les noms vous sont sûrement familiers, de Tristan et Iseult. C'est intéressant qu'on revienne un peu au milieu du XIIe siècle, plus ou moins, hein, on est dans ces eaux-là, la deuxième moitié du XIIe siècle disons, plus ou moins contemporain en fait des textes dont on vous a beaucoup parlé l'année dernière. C'est un excursus un peu finalement assez logique. On a les deux premiers épisodes cette année étaient très 13e siècle. C'est vrai qu'on s'est un peu avancé parce qu'on voulait vous parler de Perlesvos et on voulait vous parler de ces textes gallois parce que c'est un peu des pendants de textes dont on vous avait déjà parlé pendant la saison précédente. Donc c'est pour finir quelques fils. Mais là, on va aborder vraiment le dernier ensemble de textes qui nous manque un peu pour former le portrait de notre... Un des derniers ensembles. Il y en a quelques-uns encore, mais celui-ci, c'est sans doute le principal en fait. Puisqu'il va être importé dans la matière de Bretagne, il est déjà au moment où on en parle, hein, mais il va être plus décisif, disons, à partir des mises en prose, des grands ensembles, des grands romans, où ils vont vraiment intervenir. Mais effectivement, il est déjà parti de la matière de Bretagne au moment où on en parle. Parce que Tristan et Iseult, en fait, on a dit que certains des romans de Chrétien de Troyes répondaient probablement à ça. On pense que Chrétien de Troyes a écrit un roman de Tristan et Iseult qu'on a perdu, la romance du roi Marc et d'Isola Blonde. Qu'est-ce qu'on en sait? Et on pense que justement, par exemple, Cligès ou d'autres écrits de Chrétien sur l'amour étaient des réponses à ça. Donc ça aurait été probablement plus logique de le faire avant Chrétien, mais le problème c'est que cette matière nous est parvenue de manière très fragmentaire en fait. On peut reconstituer assez bien une légende de Tristan et Iseult, mais les textes qu'on a sont dans un assez sale état en fait. Voilà, nos deux principales versions de Tristan, textuelles attestées, sont en fait assez facilement datables, mais... sont, disons, problématiques parce qu'elles sont partielles. On a un manuscrit qui contient une branche de Tristan, qui est peut-être la plus ancienne, mais on n'en est pas entièrement sûr, parce que ça, il y a une espèce de fenêtre possible pour celle-ci, c'est le Tristan de Beroul. C'est un roman, donc seul à peu près 4000 livres survivent, un peu plus de 4000 lignes, pardon, survivent. C'est donc un texte partiel, il nous en manque le début et la fin. Et on a le roman de Tristan selon un poète qui s'appelle Thomas de Bretagne, ou Thomas de Bretagne, qu'on appelle parfois Thomas d'Angleterre. On ne connaît son nom que par un de ses continuateurs allemands qui a inscrit son nom dans son propre roman. Lui ne se nomme que Thomas dans son récit. Et ce texte-là est lui aussi très fragmentaire. En fait, on en a à peu près 6 manuscrits, je crois, ou un peu plus peut-être, mais le texte lui-même n'est composé que de fragments, en fait. On n'a même pas le début, il nous manque des bouts au milieu, on a la fin, par contre. Et il y a un fragment, le dernier a été retrouvé en 1995 pour nos auditeurs français métropolitains, ce qui est quand même assez récent, en fait, mais un fragment qui est en très très sale état, hein. C'est des bouts de lignes, de mots, on peut reconstituer à peu près de quoi ça parle comme texte, mais c'est fragmentaire au sens le plus étendu du mot, quoi. Ces romans ont été continués, on sait qu'il y a deux textes qu'on appelle des Folies Tristan, l'une qui se retrouvait à la base dans un seul manuscrit à Oxford, à la Bodleian, une autre qui se trouvait dans un manuscrit à la Burger Bibliothèque de Berne, auquel on a ajouté récemment un deuxième manuscrit partiel trouvé à Cambridge. C'est des bouts fragmentaires, c'est des épisodes qui s'insèrent dans les récits, disons, déjà existants, et on identifie l'une d'elles, la version de Berne, plutôt avec le texte de Bérulle. Le style est assez similaire et ça fait référence à l'élément de Bérulle. La Folie d'Oxford est plutôt rattachée à celle de Thomas. Il y a eu des continuateurs, notamment en allemand, très très vite. C'est une des premières, un des premiers passages assez rapide. De nombreux continuateurs germaniques. Déjà, à la fin du XIIe siècle, on a Eilhard von Oberg qui fait entre 1170 et 1190, donc à peu près pendant que Chrétien III est en train d'écrire. Il fait son Tristrant, qui est basiquement une traduction, une adaptation de cette version de la légende, et il a eu, lui, pas mal de continuateurs, donc plusieurs personnes qui ont fait des continuations de son histoire, qui a été étendue, un peu comme on parlait des continuations de Perceval, des gens indépendants qui essaient de la poursuivre. On a aussi une version de Gottfried von Strasbourg qui doit dater du début du XIIIe siècle, autour de 1210. On va pas s'étendre ici dans les versions allemandes, mais on aura peut-être l'occasion de les recroiser. Ouais, il faut dire aussi que ces versions allemandes ont continué, en fait, ont été pas mal continuées, beaucoup plus que celles en français dans les médias. Elles ont connu un vif succès. C'est pas seulement en allemand d'ailleurs que le texte a été traduit, c'est plutôt le texte de Thomas, hein, j'ai l'impression, qui a servi d'inspiration. Sa version un peu plus courtoise, plus, disons... de plus haute qualité peut-être, en tout cas une perception comme ça. Il a été traduit notamment en norrois par un certain frère Robert, selon les ordres du roi Haakon de Norvège, autour de 1226 par là, 1220. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette version norroise est complète et que c'est notre meilleure indication pour retracer, alors avec quelques différences, les noms, certaines descriptions, la structure même est très proche de celle d'une saga dans sa temporalité, par exemple, donc c'est possible aussi qu'il y ait eu des altérations. Mais en tout cas, ça nous permet de relier des éléments partiels, notamment pour le texte de Thomas, qui est très très fragmentaire, on l'a vu. Ça nous permet d'avoir une bonne idée de la légende. Et c'est pour ça que ce texte est souvent attaché au texte français comme... un bon guide de lecture, en fait. Ça fait partie, justement, de ce qu'on appelle les Riddarasögur, donc les sagas des chevaliers, en fait. Toute cette entreprise de traduction sous le roi Haakon le Grand, donc l'idée que, bon, on importe toute cette culture du continent, on va quand même la traduire pour l'adapter au contexte scandinave, donc forcément, ça devient une saga. C'est littéralement Tristram Saga Ok Isundar, donc la saga de Tristan et Iseu, et donc on va nous raconter la généalogie de Tristan au départ, parce que c'est une saga, donc on va commencer comme une saga. Voilà, il y a un aspect chronologique absolument qui se retrouvera, je pense pas, qui ne traduit pas vraiment celle de Thomas, qui est très intense à rappeler des événements, à beaucoup... Mais donc, en synthétisant tout ça, donc ces fragments, ces adaptations en allemand, cette traduction scandinave qui a l'air assez fidèle à ce que devait être le Thomas dans son intégralité, les bouts qui nous restent, on peut assez facilement reconstituer une légende de Tristan et Iseu. Après, c'est un débat, est-ce qu'il y a une seule légende à la base, un Tristan qu'on peut reconstituer? Ce que Joseph Bédier a essayé de faire, en étant très peu néo-bédiériste d'ailleurs. Très peu bédiériste au cours. Joseph Bédier pensait qu'il y avait effectivement un Tristan qui est à l'origine à la fois du texte de Bérulle et du texte de Thomas, et il a voulu recréer un texte, alors une traduction française, un renouvellement comme il l'appelait. Donc en fait, c'était avant qu'ils se mettent, disons, dans des controverses avec les Larmaniens français et qui l'imposent, enfin qu'il crée son style d'édition de texte. Mais il a voulu créer effectivement une histoire filée, complète, en se basant sur les deux et sur des éléments extérieurs comme notamment le récit de frère Thomas dans la saga. Il a pu créer un texte suivi, qui est un texte en fait, que vous connaissez peut-être, parce que si vous avez lu Tristan au collège ou au lycée, c'est probablement celui de Bédier, ou alors la version de René Louis, son élève, qui est celle que le livre de poche a publié. Mais c'est soit Bédier, soit Louis, Si vous faites les brocantes et que vous trouvez un truc, le roman de Tristan et Iseu en poche, il y a 95% de chances que ça soit ça, qui est donc une reconstitution. Finalement, il y a quelque chose d'assez artificiel dans ce texte-là, même si il est pas infondé, hein. C'est une reconstitution qui a des bases, mais voilà, c'est pas sous cette forme-là qu'on va le retrouver au Moyen-Âge. Voilà, la plupart des gens pensent aujourd'hui, la plupart des savants pensent qu'il n'y a pas un autre Tristan, justement, qu'il y a une tradition autour de Tristan, mais qu'on n'arrivera pas à retrouver un texte, parce que les épisodes des textes tristaniens qu'on a se regroupent pas toujours, en fait. Aucun épisode n'apparaît dans tous les manuscrits, et aucun manuscrit n'a à peu près tous les... À part les plus basiques, hein, à part les événements vraiment... Même les éléments essentiels de l'histoire n'existent pas dans tous les éléments. Par exemple, le fameux filtre qui rend Tristan et Iseult amoureux s'affaiblit après 3 ans chez Beroul et ils sont libérés de leurs effets. Chez Thomas, il ne disparaît pas jusqu'à leur mort. Il faut dire aussi une petite précision qu'il y a possiblement, même si on sait que la tradition apparaît effectivement au XIIe siècle, notamment parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des gens qui s'appellent Tristan et Iseult, en fait, bêtement. On commence à avoir des indications que des gens s'appellent Tristan, qui s'appellent Iseult, ce qui voudrait dire qu'il y a une popularisation de la légende à ce moment-là. On a pu retracer une origine, enfin, on a pu, c'est très spéculatif. Il existe en Cornouailles, au château de Doré, donc on est près de Faouet, c'est une fort de l'âge du fer, un menhir qui date à peu près du VIe siècle. Et sur ce menhir, il est inscrit une inscription funéraire, en fait, qui nous dit qu'ici gît Drustanus Cunoori Filius. Et Cunoori, alors qui est aussi appelé Cunomorus, serait le roi Marc. En tout cas, c'est comme ça qu'il identifie un certain Romanoc de Landévennec, qui est un écrivain qui fait une vie de Saint-Paul de Léon, qui identifie ce Romanoc à Marc. Et ce Drustanus, évidemment, serait Tristan. C'est d'autant plus perçu comme une origine possible que, selon un antiquaire du XVIe siècle, John Leland, cette inscription funéraire avait une troisième ligne qui disait que ce Drustanus était aussi fils de la reine Uzila, ou avec, disons, l'inscription était Cum Domina Uzila. Et Uzila, ce serait une latinisation du cornique Esselt, qui est le nom, en fait, cornique d'Iseult. Alors, c'est vraiment... On peut ne se fier qu'à cette... cet antiquaire du XVIe siècle, parce que l'inscription a disparu, en fait. Elle aurait disparu avec les mouvements de la pierre. C'est très pratique, disons, hein, comme source. Donc, c'est possible, effectivement, que le nom Tristan existe et ait existé avant. Maintenant, ça reste très spéculatif de savoir s'il y avait cette légende qui existait depuis le VIe siècle, ou si c'est basé sur des faits historiques. Toujours est-il qu'on peut dire qu'à partir du XIIe siècle, c'est là vraiment qu'elle prend son envol. Faut dire aussi que elle est peut-être pas à l'origine intégrée avec l'histoire du roi Arthur. Marc, l'oncle de Tristan, le mari d'Iseult, est roi de Cornouailles. Le problème, c'est que dans la légende arthurienne, bah, il y a déjà un seigneur de Cornouailles, c'est Gorlais, ou Gorlois. Le château de Tintagel, c'est celui où Arthur est conçu. Et là, c'est le roi château du roi Marc. Alors, il y a des gens qui essaient de réconcilier les deux en disant que, de toute façon, roi, il n'y avait pas vraiment de roi de, on était roi. Et c'était plus un titre qu'un titre particulier par rapport à un pays particulier. C'était un titre, un statut général. Et donc, il est possible qu'il y ait eu un roi Marc de Cornouailles qui avait un duc Gorlais de Cornouailles sous ses ordres. Mais ça semble un peu, disons, spéculatif. Voilà, ça va être difficile à réconcilier à mesure que Tristan va être vraiment intégré dans la légende arthurienne plus globale. Voilà. Mais bon, ça, bien sûr, ça ne veut pas dire que Tristan et Iseult, c'est historique ou quoi. Mais c'est vrai que c'est possible que la tradition soit basée sur un personnage qui était historique ou semi-historique. Surtout que, apparemment, le contexte archéologique autour de la pierre pourrait coller du 5e ou du 7e, 8e siècle avec une espèce de fortification, un endroit où il y aurait un chef local. Et donc, identifier cette tradition-là à cet endroit, c'est une possibilité. Bien sûr, vous voyez que c'est très spéculatif. Il y a d'autres attestations dans le passé, peut-être pas des attestations, mais des parallèles qu'on peut trouver dans d'autres histoires plus anciennes, un peu dans les autres, les textes parallèles, si on veut, à la légende de Tristan et Iseult. Déjà, Tristan est mentionné dans les triades galloises. Alors, on a dit les triades, c'est un espèce de pot-au-feu de différents siècles qui recueille des traductions, qui en réécrit, qui en réutilise. Mais on a des traditions sur Tristan, qui serait un des 3 meilleurs guerriers de l'île de Bretagne, des 3 meilleurs gardiens de cochons de l'île de Bretagne. On nous dit que, apparemment, Glarmeil essayait de lui voler des cochons, mais il n'y arrivait pas tellement c'était un bon gardien de cochons, qui les a gardés pour Marc. Il y a des références à lui et Iseult, mais bien sûr, beaucoup des triades sont ultérieures ou contemporaines du développement de la légende, donc ça ne nous dit pas grand-chose. Il y a un fragment gallois de la légende de Tristan et Iseult, comme d'habitude, extrêmement tardif. Les manuscrits nous restent qu'à partir du XVIe siècle, je crois, mais probablement beaucoup plus vieux, qui pourrait être une version galloise de l'histoire, où il y a un arbitrage, en fait, où c'est le roi Arthur qui doit décider avec qui Iseult va aller vivre entre Marc et Tristan. Et en fait, Arthur dit, il y en a un qui va la récupérer quand il y a des feuilles sur les arbres, et un qui va la récupérer quand il n'y a pas de feuilles, donc les saisons. Et Marc peut choisir le premier, il dit, j'aimerais être avec elle quand il n'y a pas de feuilles, parce que la nuit est plus longue. Donc l'hiver, la nuit est plus longue, je vais pouvoir plus profiter d'elle. Et Iseult répond, oui, mais il y a des arbres qui gardent toujours leurs feuilles, du coup, je peux être, comme il y a des sapins ou des arbres qui gardent toujours leurs feuilles, je peux être toute l'année avec Tristan. Donc ce motif-là est assez intéressant, on ne le retrouve pas vraiment ailleurs, c'est possible qu'il ressurgisse, mais en tout cas, c'est un des traits de cette version galloise. Et il y a des parallèles... Ça me semble assez... C'est marrant, parce que ça fait penser évidemment au mythe de Perséphone. De Perséphone. Ouais. Donc il y a... Mythe solaire. Disons, les mythes, c'est rigolo, parce que c'est pas le seul mythe grec, en fait, qui trouve un écho dans Tristan. On va le voir, la légende du roi Midas et des oreilles d'âne a un écho là-dedans, donc il y a peut-être une inspiration classique. La tradition textuelle de Tristan est plus trouble aussi parce que les auteurs mentionnent d'autres auteurs qui parlent de Tristan, ils mentionnent justement de conflits de versions. Ça semble avoir été très débattu. Le texte de Tristan est très différent. Il me fait moins l'effet d'un texte justement autorial, très conçu, très réfléchi, comme peuvent l'être parfois les textes de Chrétien. Et semble être peut-être plus débattu ou peut-être plus oral, je ne sais pas. Il y a beaucoup de références à l'oralité, à ce qu'on dit, à des légendes. Il y a beaucoup de références à l'onomastique, plus que ce qu'on en trouve dans les textes. Mm-hmm. Ça, c'est une spécificité qu'on a vue dans les textes gallois, mais qu'on retrouve moins rapidement, moins souvent dans les textes arthuriens en français. Donc c'est assez intéressant qu'il y ait un intérêt comme ça. Il y a une géographie peut-être plus précise aussi. C'est vrai que niveau géographique, c'est assez intéressant parce que Marc, ça veut dire cheval. On retrouve un parallèle avec son histoire des oreilles de cheval. Iseult, c'est un nom qui a l'air de bien venir d'Irlande. Tristan, Drustan, probablement que c'est peut-être picte d'origine, donc de l'Écosse. En termes de géographie, on a l'air de trouver des parallèles entre l'onomastique et la légende qui ont l'air plus conscients que d'habitude, alors que d'habitude, on voit une espèce de mélange un peu inconscient. Et il y a aussi, justement, côté celtique ou pan-celtique, dès le début du XXe siècle, je pense même déjà avant, on a commencé à se poser la question, mais Gertrude Schoeperle a relevé qu'il y avait des éléments qui avaient des parentés avec des récits irlandais, comme c'est souvent le cas, notamment la fuite de Diarmaid et Grain, qui est attestée, dont on a des débuts de traces dès le Xe siècle, comme d'habitude. Même chose que pour les textes gallois, comme d'habitude, on est obligé de faire avec ce qu'on a, mais c'est pas aussi bien attesté qu'on voudrait. Où on a une jeune femme qui est enlevée par le neveu de son mari, donc on a quand même un parallèle assez clair, même si en fait elle jette un sort au neveu pour qu'il l'enlève, enfin c'est une histoire qui est assez différente, mais vous avez ce motif-là qui reste, et vous avez un épisode qui revient, c'est celui où on les trouve dans la forêt, et puis ils mettent un objet entre eux pour marquer leur chasteté, c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans la version de Beroul. On a aussi d'autres histoires irlandaises dont on remarque aux côtés de Cuchulainn un certain Drust qui combattrait un dragon. Donc ça, on a un épisode assez proche aussi. D'autres éléments de l'histoire peuvent se retrouver dans le folklore irlandais. Le nain, un chien, pas forcément magique, mais le chien qui retrouve son maître, ce genre de choses. On a quelques parallèles textuels. Une autre hypothèse, soutenue par Pierre Gallet, qui, pour ce que ça vaut, a souligné des parallèles entre le récit tristanien et un poème persan du XIe siècle, Wis Eramin, et il a soutenu l'hypothèse que c'était d'origine orientale. Donc on a un peu la même chose, des amants bannis alors qu'un mariage était arrangé, une épreuve judiciaire qui prouve la chasteté, etc. Mais il y a des différences qui sont assez importantes. Et ça c'est un peu, c'est peut-être plus l'hypothèse de Pierre Gallet, mais c'est vrai que c'est possible, on trouve dans le folklore en général des contes ou des récits qui sont similaires sur de très larges aires géographiques, c'est pas la première fois que ça arrive, donc c'est possible qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Voilà, c'est tout ça pour, coalescer une histoire basique, que je vais peut-être vous résumer en quelques lignes. Ça raconte l'histoire donc, on pense, ça c'est par la version norroise et la version allemande, de la sœur du roi Marc à la base, qui s'appellerait Blanche Fleur. Donc on a un nom arthurien déjà qu'on retrouve ailleurs, qui épouse le roi de Lounois. Son époux meurt, elle meurt en mettant au monde un enfant qui sera Tristan. Donc Tristan vient de Lounois, ce qui va devenir le Lyonnais de notamment Mallory. L'orphelin est élevé par un certain Gouvernail qui va être son maître son assistant à la fois. Et il va fréquenter la cour de son oncle, le roi Marc, du coup. Dans le même temps, le Morholt, qui est le beau-frère du roi d'Irlande, vient à la cour de Marc pour exiger un tribut. Là, on a de nouveau un élément assez classique, finalement, le tribut des, que les Athéniens payent au roi de Crète, et en quelque sorte ici. Les jeunes gens de Cornouailles, parce que Marc est le roi de Cornouailles, certains jeunes gens de Cornouailles doivent partir pour aller au service en tant qu'esclaves du roi d'Irlande. C'est 1 sur 3 ou quelque chose comme ça c'est dans ces... Alors ça dépend des sources. Ouais. Mais ils sont censés être de bonne famille. Pour éviter cela, Tristan défie le Morholt, le tue, et laisse un fragment de son épée dans le crâne du Morholt, dont le corps revient en Irlande. Pendant ce temps, Tristan lui-même a été atteint d'une blessure incurable pendant ce combat. Il se fait mettre dans une barque et va dériver au hasard des flots. Il arrive en Irlande, justement, où il est déguisé en jongleur. Il rencontre la femme du roi, sa fille Iseu. Elle le guérit parce qu'elle connaît le secret des herbes. Ça va être un élément qui va revenir. Il lui enseigne à jouer de la harpe et puis il revient chez lui. Le roi Marc lui-même est célibataire. Ses barons veulent qu'il se marie. Il y a une noblesse qui est très très présente autour de Marc et qui est très très nocive en fait pour Tristan et Iseu. Il va épouser la femme parce qu'il veut se débarrasser un peu de cette idée. Il dit une hirondelle vient d'apporter des cheveux blonds. Et j'aimerais épouser la femme dont c'est les cheveux, en fait, dont les cheveux sont similaires à ceux-ci. Et puis Tristan est chargé de ramener cette femme qui se trouve en Irlande. Alors on ne sait pas, ça dépend des versions, si il s'en souvient, il se souvient des cheveux d'Iseut, il décide d'aller la chercher, ou si il y a d'autres circonstances. Toujours est-il qu'il y retourne en marchant, parce que les Irlandais ne sont toujours pas très contents d'être proches, ne veulent pas très loin être amis avec un Cornouaillais qui a tué un des leurs. Il apprend que le roi d'Irlande a promis la main de sa fille et la main d'Iseut à celui qui délivrera le pays d'une malédiction, en l'occurrence un dragon. Tristan tue le monstre, lui coupe la langue et tombe inanimé. Il est blessé, visiblement. Il y a un méchant qui a des vues sur Iseut qui essaie de se faire passer pour le vainqueur de la bête. C'est une manière très très proche de ce que fait, genre de truc que fait queue. Iseut ne le croit pas. Elle retrouve Tristan, elle le guérit de nouveau. Elle reconnaît, Tristan la reconnaît comme celle que Marc doit épouser. Alors Tristan dit qu'il a bien tué, le sénéchal est battu, etc. Et il va emmener Iseut chez le roi Marc. La mère d'Iseut confie à Brangien, la servante d'Iseut, un filtre qu'elle est censée donner à Iseut et à Marc pour que le mariage se passe bien. C'est un mariage arrangé, donc il doit être aussi, si possible, stabilisé. Le problème, c'est que Brangien... Alors c'est la grande question, pourquoi Brangien le fait? Est-ce que c'est Iseut qui veut le faire? Est-ce que c'est Brangien qui manipule? Est-ce que c'est... Ou est-ce qu'il le trouve et il croit que c'est du vin? Ou est-ce qu'il le trouve et il croit que c'est du vin? Ça s'appelle le vin herbé, suivant les sources. En tout cas, toujours est-il que pendant la traversée en bateau, ils boivent cette potion et ils sont liés par une passion invincible, irrésistible. Donc l'histoire classique du désormais classique du filtre d'amour. Voilà. Marc épouse Iseut, mais le soir des noces, celle-ci fait prendre sa place par sa servante. Donc du coup, Marc... couche avec le Brangien pendant qu'Iseut peut aller coucher avec Tristan. Il n'a pas l'air de remarquer Il ne remarque pas. Donc l'honneur est sauf. Au Moyen-Âge, on trouvait déjà ça un peu ridicule. Hein. Si on se rappelle des commentaires de chrétiens, il n'y avait pas de Brangien pour prendre sa place ce soir-là, etc. Du coup, il doit trouver un enchantement qui est presque plus ridicule, mais il a l'air de dire, ouais, bon... Voilà, donc pendant ce temps, Tristan et Iseut vont donner des rendez-vous clandestins. Ils dorment dans la chambre du roi, qui est donc une chambre où le roi n'est pas seul. Donc c'est parfois plus difficile qu'il n'y paraît. On dit parfois Tristan dort au pied du lit du roi, ce qui est un peu une place d'honneur. Genre il a une espèce de... De couche, ou bien il dort par terre, on ne sait pas trop bien. Il y a des barons jaloux qui veulent la perte de Tristan, vont les dénoncer. Ils parviennent à s'en sortir, ils se rendent compte sous un arbre. Et Marc est caché dans l'arbre. Et c'est là que commence le roman de Béroul, on va le voir. Et en fait, ils utilisent un double langage pour faire croire à Marc qu'en fait, il n'y a rien qui s'est pas encore passé entre eux. Ouais, ils se rendent compte que Marc est dans l'arbre et ils commencent à proclamer fort leur innocence. Mais le nain astrologue qui est au service de Marc, Marc est un nain astrologue qui est méchant, qui aide les barons, qui va monter un piège pour les surprendre. Il va mettre de la farine entre la couche d'Iseut et celle de Tristan. Mais Tristan, qui est un petit malin, va sauter au-dessus de la farine. Le problème, c'est qu'il s'était blessé. Et que du coup, il y a une goutte de sang. Il y a des gouttes de sang qui tombent. Des gouttes de sang sur la blancheur, ça rappelle peut-être aussi Perceval. Et bon, aussi, il en fout dans les draps. Donc, c'est un peu. c'est une preuve supplémentaire. Disons, ils se font prendre, ils sont arrêtés, condamnés au bûcher. Tristan parvient à échapper en allant prier dans une chapelle qui est à flanc de rocher. Puis il saute par la fenêtre. Au début, je pensais qu'il tombait dans l'eau, mais en fait, non, il tombe juste par terre. Il tombe sur une pierre plate, puis après, il saute sur la plage. Voilà, puis il arrive à s'en sortir parce que ses vêtements, un parachute. Ses vêtements servent de parachute, en fait, selon Bédier. Il se réfugie dans la forêt avec Iseut qui parvient à délivrer. Parce qu'entre-temps, il y a un lépreux qui est arrivé, puis qui a demandé est-ce qu'au lieu de brûler Iseut, on la lui donne pour qu'elle lui serve de femme et qu'elle soit partagée parmi les lépreux. Voilà, une femme commune. Un destin pire que la mort, et donc du coup Tristan... Iseu dit non, mais brûlez-moi, s'il vous plaît. Puis alors Marc, elle a non, c'est bon, allez hop, chez les lépreux. C'est un peu bête, parce que du coup les lépreux, bah, ils sont pas terriblement combatifs, donc du coup quand Tristan arrive avec Gorneval pour... Enfin, Gorneval, qui est le, on l'a dit, le valet de... Oui, on l'a mentionné, c'est celui qui élève Tristan et qui est son valet après tout ça, du coup. Gouvernal, voilà. Et après, donc, les deux hommes parviennent à sauver Iseu. Ils vont vivre dans la forêt de Morrois. Donc, peut-être, là, il y a aussi un signe de passage dans l'autre monde, disons. Ils vivent dans la forêt de Morrois. Ils vivent un peu en exilé. Ils sont de plus en plus mal, maigres. Ils mangent basiquement que de la viande, en fait. Voilà. Tristan chasse. Ce qu'on nous dit, c'est que leur amour, en fait, pour l'un, leur permet d'oublier leur propre douleur, en fait, leur propre... Ils voient pas qu'ils sont en train de se faire du mal, en fait. Et Marc va finalement les surprendre. Endormi, mais dans une position chaste, parce qu'en fait, le filtre d'amour est en train de se... Chez Béroul, en tout cas, le filtre d'amour est en train de perdre son efficacité. Et en fait, il voit Tristan et Iseu qui sont, ce soir-là, en fait, qui ne dorment pas les bras l'un dans l'autre, mais séparés par l'épée de Tristan. Et Marc, en fait, leur fait comprendre, en prenant son épée et en la mettant à la place de celle de Tristan, qu'il les a vus, en fait. Du coup, Tristan et Iseu, qui ne sont plus aussi follement amoureux, décident de répartir, de repartir l'un, de se séparer. Il y a tout un système qui est organisé pour avoir finalement un pardon. Il y a un procès organisé, notamment d'Iseu formellement, et qui, par un habile stratagème, Tristan se déguise en lépreux pour que devant le roi Arthur, qui a été convoqué... Mais on va chercher le roi Arthur pour que ça soit techniquement arthurien. Voilà, pour que ce soit vraiment le servant soit fait devant Arthur. Arthur et sa course sont chez Béroul présentés comme une bande de bros qui sont absolument à l'idée d'aider leur copain Tristan. C'est très, très, très rigolo. Et du coup, ils décident... Il y a un stratagème qui est réalisé par Tristan. Ils se déguisent en lépreux ou en tout cas... Ils se déguisent pour se faire passer pour un clodo, quoi. Enfin, un clochard. Pour... transporter Iseu sur un terrain difficile, je sais pas si c'est une rivière ou un marais ou quelque chose comme ça, en la prenant sur son dos. Et du coup, à cheval sur son dos. Et du coup, Iseu peut jurer qu'elle n'a pas eu d'homme entre ses cuisses, autre que le roi Marc et que le lépreux qui l'a traversé. Du coup, techniquement, elle jure sur toutes les reliques du pays ou voilà, donc c'est sur devant le roi Arthur. Mais il y a donc tout un petit développement. Tristan parvient à tuer les barons calomniateurs, mais il se reste exilé, en fait, il ne peut pas rencontrer Iseu. Il va vivre en Petite-Bretagne, où il va épouser. Et alors là, on est plutôt chez Thomas, parce que ça, c'est là plus ou moins que le récit s'arrête chez Béroul, il me semble. Chez Béroul, le récit s'arrête alors que Tristan est en train de buter les trois sénéchaux traîtres qui, étaient voilà. qui lui ont pourri la vie depuis le début. Le récit s'arrête. On imagine qu'après ça, Tristan et Iseu meurent l'un à la suite de l'autre. Tristan meurt probablement tué et puis Iseu meurt probablement de chagrin, mais le récit s'arrête avant. Chez Thomas, en tout cas là on est spécifiquement chez Thomas, il épouse une femme qui ressemble à Iseu parce qu'il veut en quelque sorte à la fois faire comprendre à Iseu qu'il est toujours amoureux d'elle. C'est très compliqué. On va le voir. Il épouse Iseu aux blanches mains, qui s'appelle aussi Iseu, qui est la sœur de son meilleur ami à lui, Caerdine, qui n'existe, je crois, en tout cas de ce qu'on sait, que chez Thomas. Mais Tristan refuse de consommer le mariage, ce qui cause bien des douleurs à Iseu aux blanches mains. Il reste attaché, ils inventent des stratagèmes. C'est là que s'insèrent probablement les récits des folies Tristan. Et peut-être un récit de Marie de France, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui est le lait du chèvrefeuille. Un jour, après toutes ces péripéties, il rencontre un chevalier qui s'appelle Tristan le Nain. Et Tristan le Nain, son aimé a été volé par un géant. Alors Tristan va combattre le géant, mais il va recevoir une blessure empoisonnée. Et il va faire appeler Iseu la blonde, parce qu'il sait que Iseu l'a soignée déjà une fois, elle pourra le re-soigner. Et il fait prendre à Caerdine des voiles noires et des voiles blanches pour qu'il puisse annoncer déjà à l'avance sur son bateau quand il arrive. Encore un motif très mythique, voilà, avec la mort du roi Égée. Voilà, il y a pas mal, j'ai l'impression que il y a une inspiration quand même classique, ouais. Voilà, assez forte. Et alors Iseu, après bien des péripéties, parvient à revenir avec Caerdine, sauf que entre temps Tristan a tout expliqué à Caerdine, et puis Iseu au blanchemain a entendu, et donc elle sait que Tristan ne l'aime pas et qu'il préfère Iseu. Et donc du coup, quand elle va voir les voiles arriver, elle va dire à Tristan: ah non, c'est les voiles noires. Tristan va mourir de désespoir, et Iseu en arrivant va mourir sur lui. Et alors là on rentre dans c'est tout ce que nous dit le texte, en fait ils meurent les deux. Dans le texte du frère Robert, donc le texte en norrois, on ajoute le petit détail que Iseu au blanchemain les fait enterrer dans des tombes séparées par un mur pour qu'ils ne soient pas ensemble dans l'après-vie, mais qu'un lierre ou une plante relie les deux tombes pour qu'ils soient toujours ensemble, même après leur mort. Ce serait donc le motif Tristan de... général, quoi. C'est ça, le peut-être pas un Ur-Tristan, mais une espèce de patchwork de toutes les versions la plus cohérente qu'on puisse faire. Voilà, la plus simple. Il y a beaucoup de détails qui n'y sont pas. Après, il faut imaginer que probablement il y a différentes versions, différentes légendes, parce que c'est un peu le propre de ce genre de littérature. Il y a différentes versions qui circulent, puis chacun vous dit, c'est moi qui vous raconte la vraie version. C'est ce que Thomas dit, c'est ce que dit Von Orberger aussi, je crois. En tout cas, les Allemands aiment bien dire ça aussi. C'est aussi la version que vous connaissez si vous avez lu celle de Bédier, en fait. C'est plus ou moins le schéma qu'il prend pour reconstituer l'histoire. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, cette histoire, on doit la reconstituer parce que, disons, avant Roméo et Juliette, les amants maudits, bon, encore aujourd'hui, Tristan et Iseult, on les connaît surtout pour ça. C'est le nom des amants maudits, leur amour ne peut pas se faire, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et avec cette image finalement assez poétique de leur union dans la mort avec les deux plantes qui s'unissent, ou dans le lait du chèvrefeuille de Marie de France, c'est utilisé comme un synonyme de leur, si on veut, codépendance, le chèvrefeuille sur le coudrier. Vous pouvez pas séparer ces deux plantes parce qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour vivre. Cette image des plantes qui s'entremêlent. Mais c'est assez intéressant de voir qu'en fait, si vous regardez la strate la plus ancienne, elle est dans un terriblement mauvais état. La version de Béroul, on a un manuscrit. La version de Thomas, on a que, entre guillemets, que 6 ou 7 manuscrits. Donc aucun n'est complet. On a que des fragments, on a seulement un fragment de la fin au mieux. On n'a absolument pas le début de l'histoire, d'ailleurs ni chez Béroul ni chez Thomas. Donc c'est presque un peu surprenant en fait que c'est aussi mal survécu. C'est devenu l'histoire, probablement, c'est l'histoire d'amour par excellence occidentale la plus connue, etc. Et pourtant, si on regarde les traces les plus anciennes, c'est malheureusement dans un très sale état. Et c'est assez intéressant de voir la réalité de ces histoires. Donc il faut aussi se dire, si c'est ça qui est arrivé à ce best-seller, en tout cas en termes de légende et d'image, etc., on peut imaginer la quantité d'œuvres mineures qu'on n'a pas, ou aussi comprendre que certaines œuvres, on n'a qu'un manuscrit, ou que c'est presque par pure chance qu'on les a aujourd'hui. Il faut dire aussi que c'est intéressant, parce que ça reste une des œuvres qui est les plus lues, en fait, une des œuvres médiévales qui va être les plus popularisées. La version de Bédier a beaucoup fait pour ça. Alors c'est évident que c'est une œuvre qui est plus facile à faire lire à des collégiens ou des lycéens. Vous n'allez pas leur faire lire le Père Lesvos ou le Chevalier qui fit des comparlés. C'est peut-être un peu pas le public. Mais en général, les textes qui sont lus, c'est soit le Chevalier à la charrette ou le Chevalier au lion, donc Lancelot et Yvain, parce que c'est les chrétiens de Troyes, c'est parce que c'est les plus complets de chrétiens de Troyes et que c'est les plus, disons, bien définis, peut-être les meilleurs aussi, suivant comment, pour enseigner les habitudes. Et Tristan, d'un autre côté. Et ce qui est intéressant, c'est que Tristan et Lancelot sont finalement assez différents. Les messages... l'attitude par rapport au mariage de Tristan et Marc, de Tristan et Marc, mais au mariage, aux relations, est beaucoup plus, semble beaucoup plus contestataire, en tout cas chez Thomas et chez Béroul, qui ont, en tout cas, même spécifiquement Thomas, qui a vraiment parfois l'impression, l'air de dire, mais vous rendez compte de l'inhumanité de cette méthode de marier des gens sans amour, comme ça, ce qui mène à ce genre de truc. Chez Thomas, il faut dire que le filtre d'amour ne faiblit pas après 3 ans. Quoi. On pourrait s'attendre à ce que chez Béroul, ils gardent une affection l'un pour l'autre. Chez Thomas, c'est vraiment jusqu'à la mort. Donc c'est ça qui est... c'est assez intéressant finalement qu'il y ait déjà des versions aussi différentes dès le XIIe siècle. Puis aussi, comme tu le disais, le succès finalement, ce que la version de Bédier a pu faire pour familiariser ça, comment une édition qui est finalement pas, sur le plan scientifique qui est très discutable, une traduction qui n'est pas exceptionnellement rigoureuse ou quoi, mais qui a pu avoir un certain pouvoir dans le fait de maintenir cette histoire vivante, voilà. Un peu comme ce que tu disais de Chrétien de Troyes, ce qu'on va lire à l'école. Il y a une version de poche où vous avez, qui s'appelle juste Roman de la table ronde de Chrétien de Troyes, où vous les avez, je crois, tous sauf le Perceval traduit. Puis pas mal de gens que je connais ont lu ça à l'école, c'est-à-dire on va vous donner tous les Chrétiens de Troyes sauf Perceval dans une édition qui n'est pas terrible sur le plan scientifique, mais ça, disons, c'est un peu la version pulp de la version qui va la populariser et l'aider à survivre un peu mieux. Il y a de ça. Et puis, alors, si vous voulez du coup vous-même lire la légende et utiliser les textes qu'on a lus, la version de Bédier, évidemment, c'est probablement la plus facile à trouver, mais si vous allez au livre de poche, ils ont la version de René Louis qui est peut-être un peu plus scientifiquement intéressante, qui est assez similaire en fait dans l'esprit. Si vous voulez des éditions, c'est plus compliqué du coup, vu le statut fragmentaire. Il y a fort heureusement 2 volumes en français qui comprennent toutes les versions, en tout cas les versions du XIIe siècle dont on va vous parler, c'est-à-dire les romans de Béroul, de Thomas et les 2 folies. Elles y ajoutent aussi d'autres textes. La version la plus abordable, sans doute, c'est celle des Lettres gothiques, qui est éditée par Philippe Walter, dans laquelle vous avez du coup Béroul, la folie Oxford, la folie Berne, le Thomas, Vous avez le lait de chèvrefeuille de Marie de France, on vous en parlera sans doute dans le prochain épisode quand on parlera de Marie de France, ainsi que un extrait d'un texte qui s'appelle Le Donner des Amants, un texte qui s'appelle Le Tristan Rossignol, qui est un extrait d'un ouvrage plus long qui est rarement édité. C'était leur justification pour ajouter ce texte du XIIIe siècle finalement à ceci, et qui comprend une traduction en prose bien sûr de la saga norroise, qui est utile parce que du coup vous avez un portrait global de l'histoire qui est sans doute peut-être plus réaliste un peu que celui de Bédier, en notant peut-être qu'ils ont francisé, enfin qu'ils ont harmonisé les termes de la saga avec ceux des romans français. Du coup, au lieu d'avoir Tristram et Isonde, vous avez Tristan et Iseut. Donc c'est une altération qui peut être discutable, hein, suivant comment. Et c'est probablement la plus abordable, parce que c'est le gothique, c'est le livre de poche, c'est pas cher. Vous le trouvez facilement. Mais puis, si vous voulez une version peut-être un peu plus complète... La version la plus complète, leur compétiteur éternel dans le combat entre les lettres gothiques et puis la Pléiade, c'est bien sûr la version de la Pléiade Gallimard, où vous avez, d'ailleurs, ça tombe mal, parce que l'édition de lettres gothiques a été faite en 89, du coup, 6 ans après... Je sais pas s'il n'y a pas une édition plus récente qui aurait peut-être le fragment... Il y a sûrement une réédition, parce que je pense que c'est ce qu'ils ont fait à la Pléiade, en fait. Ils l'ont réédité avec le... fragment de Carlyle justement qui a été trouvé du Thomas. Bon, objectivement il n'est pas si intéressant que ça, mais c'est vrai que quand vous avez une découverte comme ça, c'est pas mal qu'elles soient incluses. Dans celle-ci, vous avez le Béroul de Thomas, le fragment, le Marie de France, les deux folies. Vous avez aussi les versions allemandes, Eilhard d'Ortberg, Gottfried de Strasbourg, les continuations de Ulrich de Thurheim et de Heinrich de Freiberg. Donc là, c'est si vraiment vous voulez manger des continuations allemandes qui sont juste traduites, bien sûr. Là, ils n'ont pas mis le texte. La version de Frère Robert, donc de nouveau la saga de Tristram et Isund. Le Sir Tristram, qui est du moyen anglais, une adaptation moyen anglaise, voilà. Du Tristan, le Donner des Amants également. L'extrait du Tristan Ménestrel, dont on n'a pas parlé, mais qui est dans la continuation de Gerbert de Montreuil. Bon, ça, on en parlera quand on vous parlera des continuations 3 et 4, entre guillemets. De Perceval, donc, hein, pour ceux qui suivent derrière. Un texte, Thibault, le roman de la poire, Tristan le Nain, Tristan le Moine, des textes un peu plus... Les textes italiens, notamment. Les textes italiens, la Tavola Ritonda, quelques chansons scandinaves... Et finalement, 4 épisodes d'un roman tchèque. Alors là, c'est vraiment, si vous voulez, le menu complet. Vous avez 1700 pages de Tristan et Iseut. Je doute qu'on puisse faire mieux. Maintenant, ça reste la Pléiade, mais vous pouvez certainement le trouver dans une bibliothèque. Après, ça, c'est le prix. Si vous voulez avoir juste une petite édition. Il y a aussi plus de notes, hein, je pense, que dans la oui. version... la version de lettres gothiques est assez économe de notes. Il y en a les essentielles, mais il n'y a bien sûr pas de notes textuelles assez profondes. Ça, c'est le cas dans la Pléiade. Il y a des éditions scientifiques peut-être plus... si vous les utilisez pour étudier la chose, mais si vous voulez lire les textes en tenant, sans lire quelque chose qui soit une reconstitution comme celle de Betty ou celle de René Louis chez le livre de poche, c'est l'édition des lettres gothiques ou l'édition de la Pléiade qui seront sans doute vos meilleurs paris. Maintenant qu'on vous a dit ça, je vous propose qu'on fasse une pause musicale. Une petite pause musicale, et on va revenir un peu justement sur les versions de Béroul et de Thomas, et puis regarder un peu ce qu'il peut y avoir d'intéressant et de différent dans leur style, parce qu'ils sont assez différents, et malgré leur état, voir un peu ce que ces versions-là ont à nous dire. on est de retour pour vous parler cette fois-ci d'une histoire concrète de Tristan et Iseult telle qu'elle nous est parvenue, cette fois-ci dans un seul manuscrit, le Tristan de Bérulle, justement. Il commence, on n'a pas le début justement, mais ça commence avec un épisode qui est fort connu, et c'est celui qui illustre d'ailleurs notre épisode. Tristan et Iseult se rencontrent secrètement à une fontaine pour discuter, puis présumablement pour faire des trucs d'amoureux, mais le roi Marc a été averti par un de ses nains qui a le don de prophétie, un motif qu'on a vu notamment chez Chrétien aussi, que une personne naine a le pouvoir de prédire l'avenir, et il sait qu'ils vont se réunir là. Ils se cachent donc dans l'arbre, donc on a cette scène où le roi Marc les voit dans l'arbre qui est assez classique, et apparemment Iseult voit son reflet dans l'eau de la fontaine, ou elle voit une feuille, enfin elle voit son reflet, elle arrive à savoir qu'il est là, elle commence du coup à proclamer, enfin ils se parlent de manière à dire « Ah, nous sommes accusés par de Ville, alors que moi, si je vous aimais Tristan, c'était purement parce que mon oncle, vous êtes son neveu, donc je vous aimais, c'était de l'affection comme ça, et puis vous m'aimiez par, en tout bien tout honneur, et puis voilà, on se retrouve dans cette situation, c'est terrible. » Et du coup, Marc se dit « Ah, ben, s'ils étaient amoureux, ils ne parleraient pas comme ça, ce nain m'a bien eu. » Le nain arrive à échapper au courroux de Marc, parce qu'il voit le futur, il voit Orion, enfin qui s'appelle Orion dans le texte, mais Orion est Vénus, et du coup comme il voit les étoiles, il a genre oh, ça veut dire que ça chauffe pour moi, il s'enfuit, mais il va plus tard de nouveau poser problème en révélant un secret de Marc, et il va finalement se faire tuer. Je reviens là-dessus après. Le gros problème de l'histoire du Bérulle, c'est que Tristan et Iseult ont trois grands ennemis à la cour, trois espèces de sénéchaux conseillers de Marc qui n'arrêtent pas de le retourner contre eux. Donc ils arrivent à échapper à sa suspicion régulièrement, mais il y a toujours ces gens qui disent « Non, mais il ne faut pas leur faire confiance, ils vont vous trahir, Iseult est infidèle, etc. » qui vont pousser le conflit en fait à se produire. C'est peut-être aussi lié au fait que Marc et Iseult n'ont pas d'enfants. Alors que ces sénéchaux sont des barons qui verraient d'un bon œil soit l'extinction de la lignée de Marc ou plus d'autonomie. En tout cas, c'est assez spécifique à la version de Bérulle parce que chez Thomas, ils ne sont pas mentionnés. Il faut dire aussi que la version de Thomas commence probablement après que celle de Bérulle soit plus ou moins achevée. Mais il y a aussi le fait que chez Bérulle, c'est seulement ces trois barons qui sont vraiment contre eux. Il y a d'autres barons mentionnés, mais Tristan a des alliés à la cour. Il a Dinas de Dinan, par exemple, qui est un des hommes de Marc. Il a un certain André qui l'aide et qui parle pour lui. Donc, il semblerait qu'il ait quand même plus d'amis à la cour de Cornouailles, alors que chez Thomas, le seul ami qu'on lui connaisse, c'est Canerdin, et puis il y a toujours beaucoup de problèmes quand il se rend chez Marc, en fait, à Tintagel. Donc il y a toute une dimension très psychologique dans le Bérulle qui est justement la discussion où les gens vont tromper le roi Marc, et donc on a beaucoup de scènes où Tristan se lamente, on a des scènes où Iseult vient dire « Ah, vous m'accusez, je préférais qu'on me coupe la tête, que vous sachiez qu'on pense que je suis infidèle ». Donc il y a quand même une mise en scène de la duperie, comment est-ce qu'on va duper le roi Marc, qui prend une part assez importante de ça. Le nouveau complot contre les amants à la suite de ça, c'est justement de nouveau le nain forcin qui a un plan, qui est de mettre de la farine sur le... Parce que justement, comme on a dit, ils dorment dans la même pièce. Il met de la farine sur le sol. Tristan a été blessé pendant une partie de chasse par un sanglier. Il se dit « Alors, je vais sauter d'un lit à l'autre pour pas laisser d'empreintes dans la farine. » Mais il laisse tomber une goutte. Et comme il est dans le lit royal en train de coucher avec Iseult, pendant qu'on ne sait pas pourquoi le roi Marc se lève à minuit et se barre avec son nain faire des trucs, il n'a pas besoin de dormir apparemment. C'est sans doute pour les attraper. Ça fait partie du plan. Et du coup, il est saisi basiquement en flagrant délit. Et donc, ils sont ligotés et ils sont amenés à leur exécution immédiate. Il y a des gens qui disent « Non, mais vous pouvez pas les condamner sans les juger. » Il y a des fans de droit qui sont là pour lui demander le respect de la procédure, mais il dit non, je le ferai, Il y a aussi la notion que Tristan est populaire, en fait. Tristan est un danger pour les barons qui veulent le corder, parce qu'il est probablement l'héritier de Marc, du coup, vu que c'est son neveu, et que si les barons parviennent à l'enlever, il s'enlève une épine du pied, mais il est très populaire, Tristan, parce que c'est un noble chevalier, et comme c'est un noble chevalier, il est populaire dans la population, disons, de Tintagel, des sujets du roi Marc, en tout cas. Donc, on lui dit, il dit, c'est qu'après un jugement qu'on peut les mettre à mort, sire, par pitié. Et Marc répond, par le Seigneur qui a créé le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, dussé-je y perdre mon royaume, je ne manquerai pas de les faire brûler sur un bûcher, même si je dois un jour rendre des comptes, et maintenant, laissez-moi en paix. Et Marc, maintenant que ça, c'est en train d'être en cours, Tristan va être amené ligoté au bûcher, on allume le feu, mais en chemin, il demande aux gens qu'il tienne, laissez-moi laissez-moi aller dans cette chapelle, il n'y a qu'une seule entrée à la chapelle, et elle donne sur la mer, elle est au bord d'une falaise apparemment. Et du coup il dit, bah, vous voyez, il n'y a pas vraiment de risque que je vous échappe, laissez-moi aller prier en tant que pêcheur pour que je puisse m'amender. Et ils disent, bon ok, vas-y. Tristan ne perd pas de temps, il court à travers la chapelle, il saute immédiatement de l'autre côté à travers la fenêtre, il dit, je préfère me... On nous précise même la qualité du vitrail avant qu'il l'ouvre. Je me suis demandé s'il allait casser le vitrail, s'il roule parler du vitrail qui avait été très très bien fait par un frère ou par un moine pour après le casser. Non, en fait, il semblerait que Tristan fasse attention qu'il ouvre la fenêtre pour pouvoir passer à travers. Il préfère se fracasser en bas que se faire brûler, en fait. Mais il y avait une large corniche plate qui coupe la pente rocheuse, il tombe dessus en souplesse. Et le vent, comme tu le disais, s'engouffre dans ses vêtements, ce qui l'empêche de s'écraser en bas. Il est porté par le vent. Et il nous mentionne d'ailleurs, les gens de Cornouailles appellent encore cette pierre le sceau Tristan. Donc oui, il y a pas mal de nomastiques, on l'a dit. Il précise pas mal, c'est l'origine. Ne serait-ce que cette histoire de Marc qui a des oreilles de cheval dont tu vas reparler dans quelques minutes. Certains ont vu une volonté de expliquer le nom de Marc, ce nom de cheval. Tout le monde sait que c'est un dieu indo-européen de la fertilité, c'est un parallèle très clair entre le Mahabharata et le... Donc, après Tristan saute sur la plage, il se sauve en courant, il entend bien le crépitement du feu et il n'a pas envie de revenir sur ses pas, on ne saurait courir plus vite qu'il ne fait. Maintenant, ce qui s'est passé de l'autre côté, Tristan retrouve Gorneval qui va pouvoir l'aider, il se lamente, il a perdu Iseut, mais ils vont réussir à aider Iseut à s'échapper. Le roi apprend que Tristan a réussi à s'enfuir, il devient furieux, il veut faire brûler Iseut toujours, mais quelqu'un propose, alors qu'elle est conduite au bûcher, un autre... Alors, les gens sont aussi attristés, apparemment, ils ne veulent pas faire brûler Iseut, parce que, bon, elle est très belle et gentille, et tout ce que vous voulez, donc les gens ne comprennent pas vraiment ça, mais Marc ne veut pas y renoncer, il jure par tous les diables qui va au nom de Saint Thomas, au nom du Seigneur qui créa Adam, il veut réussir à la faire brûler, mais Dinas s'interpose, il dit qu'il ne pourrait pas accepter ça, mais Marc ne peut pas y renoncer. Ce qui s'ensuit, un lépreux arrive en fait. Et qui s'appelle Yvain, un nom assez courant. Il lui dit, j'ai une solution encore pire, un châtiment encore pire que de la faire brûler vive, ce serait que tu nous la donnes à nous. Ils sont... une bande de lépreux. Il dit, on se la partagera, elle sera notre femme commune. Une centaine de compagnons, on se la partagera, jamais dame n'aura connu de pire fin. Il y a en nous si grande ardeur qu'aucune dame au monde ne pouvait supporter de partager notre vie un seul jour. Nos vêtements nous collent à la peau, etc. Elle a vécu dans le luxe et nous, elle devra se contenter de ce que les gens nous jettent. Enfin voilà, il dit, ce sera la pire chose possible. Et le roi, il dit, ok, il prend la main d'Iseut, il veut la donner. Et Iseut dit même, sire, pitié, plutôt que de me livrer à lui, brûle-moi sur place. Puis il dit, non, c'est bon, c'est parti. Tu vas avec le lépreux Yvain. Et bien sûr, comme tu l'as dit également, les lépreux ne sont pas spécialement bons pour se défendre contre Tristan, qui est supposé être un des meilleurs chevaliers de toute l'île, et Gorneval, et ils réussissent à les battre et à s'échapper avec Iseut. Ils s'enfuient dans la forêt, Tristan prend son arc, et il va dans... C'est un excellent archer apparemment, et il arrive à tirer à l'arc et à les fournir en nourriture dans le Morrois. Gorneval... Il construit une espèce d'arc, en fait, pendant que Gouvernail et Iseut restent dans leur espèce de cabane forestière. Une espèce d'arc infaillible. Voilà, est-ce que c'est un piège qui attrape les animaux, ou si c'est vraiment un arc qui doit tendre, je ne sais pas très bien. En tout cas, Gorneval lui donne un arc, mais apparemment, il en fabrique un également. Ils vivent longtemps dans cette espèce de cabane qu'ils ont construite en coupant des branches et une couche de feuilles. Donc, cette image un peu de la cabane forestière très rudimentaire. Nos cuisiniers avaient fort à faire, sans lait ni sel au logis. La reine était très lasse, fatiguée à cause de la peur. Ils s'endorment ensemble et ils vivent pendant longtemps comme ça. Mais un jour, suit ensuite l'épisode où Frossin le nain révèle à des barons que le roi Marc a des oreilles de cheval. Et les barons en rigolent et vont dire à Marc, on sait que tu as des oreilles de cheval. Marc rigole, ha ha ha, puis ensuite il fait tuer le nain. Donc voilà, il tire son épée, il lui coupe la tête. Apparemment, c'est le nain qui avait maudit le roi Marc. Ouais. Puis le roi Marc a dû se dire, bon, une fois que mon secret est révélé, je sais pas ce que ça va faire, quoi. Voilà. Et le narrateur nous dit que ça a fait plaisir aux gens parce que le nain Frossin avait justement trahi la reine et Tristan. Ensuite, il rencontre un ermite, le frère Ogrin, qui... dit, vous savez, tout le monde vous cherche, on a juré dans toute la Cornouaille que celui qui vous rendrait au roi recevrait sans faute, sans marque de récompense, donc sa tête est mise à prix, on a vraiment... il est recherché. Et... Il y a une espèce de discussion assez intéressante entre l'ermite et Tristan, où justement Tristan va parler de foi en Liseux, alors que l'ermite lui demande en fait s'il a la foi, s'il a conscience de ses péchés, dans le sens péché religieux, donc spirituel, alors que Tristan lui pense au péché en termes de faute pratique, et il y a toute une discussion en fait où Tristan défend en fait sa relation avec Liseux, et l'ermite défend une attitude chrétienne correcte qui serait de rendre Liseux en fait. Et ils se parlent un peu l'un à travers l'autre, mais l'ermite consent quand même à les héberger pour éviter que qu'ils soient attrapés ou il a comme de la sympathie pour eux, et plus tard ce sera lui qui va organiser la réconciliation une fois que le filtre aura cessé de faire son effet. Oui, il y a toujours ce rôle pour les clercs dans ce genre de récit qu'on avait vu dans certaines vies de saints, de jouer un rôle d'intermédiaire entre les protagonistes ou de juge ou d'arbitre, qui permettent justement, comme ils sont hors de cette espèce de hiérarchie sociale nobiliaire, de trancher certains dilemmes. Et aussi, cet épisode ressemble un peu à celui qu'on avait vu dans le Père Lesvos pour Lancelot, où il lui demandait de se repentir et de renoncer à son amour. Mais là, c'est le genre de débat qu'on a aussi dans cette version de Tristan et Iseult, des débats qui existent là aussi. Et il continue à vivre là. Il y a le chien de Tristan qui les retrouve, un très bon chien, Usdan. Remarque, essaie de l'utiliser, le chien, comme moins le pister, mais en fait, le chien va trop vite ou va dans des territoires où ils ne peuvent pas le suivre, donc du coup, finalement, ça ne sert à rien. Et Iseult, en fait, Tristan veut mettre à mort son chien. Il fait du bruit, il va nous faire repérer immédiatement, et Iseult ne veut pas, parce que c'est quand même... Parce qu'elle tient au chien, elle le trouve adorable, forcément un bon dogo. Et du coup, elle demande à Tristan d'éduquer le chien pour qu'au lieu d'aboyer quand il chasse l'animal, il bondisse sur place pour s'il y avait qu'il a trouvé une proie. Et Tristan l'éduque, et de cette façon, Iseult peut parvenir à vivre sans... à continuer à vivre avec eux sans aboyer et sans les faire opérer. C'est justement là qu'il y a cette histoire d'arc infaillible, l'arc qu'il ne faut, donc l'arc qui littéralement n'échoue jamais. Donc il y a cette idée que Tristan est un archer pratiquement... pas surhumain, mais en tout cas, il rate jamais. Il a bien raison de donner ce nom à l'arc qu'il a fait, et puis ils se nourrissent de ça, mais il manque toujours de pain. Et puis un jour, ils sont fatigués, ils s'endormissent l'un contre l'autre. Tristan se couche à son tour, il tire son épée et il la pose entre leurs deux corps. Et donc là, l'épée a vraiment ce symbole qu'on a vu aussi dans certains récits irlandais, mais avec d'autres objets. Mais là, l'épée, c'est vraiment ce symbole de chasteté, une barrière entre deux pendant qu'ils dorment chastement. Elle le tient étroitement lacé et lui, il la tient par la taille, mais ils ne sont pas, disons, dans une attitude qui est vue comme libidineuse ou charnelle, si on veut. Et ils ne sont pas gardés par Gouvernail, parce que Gouvernail est lui-même allé rendre visite à l'ermite, au forestier qui vit dans la forêt, de l'autre côté de la forêt, donc ils sont seuls, ils ne sont pas gardés. Mais le forestier les voit, il va dénoncer Marc, alors apparemment ils font une bonne sieste, parce que le forestier a le temps de les trouver, d'aller avertir Marc, et Marc de revenir alors qu'ils dorment toujours. Et ils ont le roi lui donne un peu d'argent au forestier qui les a dénoncés. Il faut dire qu'ils sont vraiment à côté. Hein, selon le texte, le forestier vraiment sort de la forêt, tombe sur le château où Marc est avec ses barons. Marc a juste le temps de courir en le suivant seul. Et le roi arrive, il lui dit au forestier, il lui donne 20 marques d'argent, qu'il lui promet 20 marques d'argent s'il le conduisait. Ils arrivent près du but, le roi lui demande de le laisser aller. Il dégaine son épée en colère et il va vers eux en les voyant. Il préfère mourir plutôt que de ne pas se venger en les tuant. Les gens de sa cour en fait lui disaient « Mais vous ne pouvez pas aller tout seul sans escorte, un roi ne peut pas faire ça. Vous pouvez pas. » Puis le roi dit « Non, mais laissez-moi faire ce que je veux. » Mais ce que j'adore, c'est qu'ils disent littéralement « Ce poésnos, donc ça nous inquiète. » Caton se commanda à son fils à esquiver les leux soutises. Donc Caton, donc le romain, recommande à son fils d'éviter les lieux mal fréquentés et peu fréquentés tout seul. C'est à cette période, il faut pas. C'est ça le problème aussi dans les sources. On a dit qu'il y avait pas mal de motifs mythologiques, mais là on voit que des textes didactiques comme les distiques de Caton, ce genre de choses, ont une assez grande influence encore à ce moment-là et que. Donc quand on trouve des parallèles classiques, c'est pas forcément quelque chose de plus ancien ou un parallèle folklorique ou quoi. Parfois c'est juste que c'est des références qui sont encore vivantes. Connues et qui sont effectivement lues, ouais. Donc Marc est sur le point d'abattre son épée sur les deux amants quand il remarqua que Iseult avait encore sa chemise, qu'entre eux, il y a un espace et que leur bouche n'était pas jointe. Donc, c'est-à-dire, bon, bah, il a quand même des standards assez bas. C'est-à-dire, ils sont pas en train de copuler devant lui. Donc, il se dit, peut-être que ce sont aussi des êtres humains. Et il a pitié d'eux, en fait. Il est pris d'un instant de pitié pour eux. Et il avait l'intention de les tuer. Mais il se dit, bah, s'ils s'aimaient vraiment, vraiment, vraiment, ils offriraient un tout autre spectacle. Enfin, il a l'air de dire, c'est pas ce que je m'attendais à trouver. Donc, il veut pas les réveiller, il veut pas qu'ils le tuent ou qu'ils se fassent tuer par lui. Donc, il se dit, bon, je vais quand même leur laisser un signe que je suis passé. Il enlève la bague au doigt de la reine. D'ailleurs, la reine, il arrive à enlever la bague très facilement parce qu'elle a beaucoup maigri. Donc, ça montre aussi la rudesse de leur condition de vie, effectivement. Il a une paire de gants de fourrure qu'elle a apporté avec elle d'Irlande et il s'en sert pour protéger du rayon de soleil brûlant son visage. Donc, il y a un trou dans la cabane. Il le bouche avec ses gants pour pas que le soleil arrive sur son visage. Et l'épée, il enlève l'épée et il met la sienne à la place. Comme ça, les amants peuvent comprendre qu'il est passé sans qu'il les réveille. Bon, ils ont quand même le sommeil assez lourd. Ou alors, Marc est très délicat. C'est peut-être ses oreilles de cheval qui le rendent très délicat dans son audition supérieure. Et donc, ils se réveillent, ils sont « Ah, on nous a découverts », ils se rendent compte qu'on les a visités, ils se rendent compte que c'est le roi qui les a trouvés, donc le message passe assez bien, et ils se rendent compte que... c'est là ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Beryl nous dit que ce qu'on pense être une altération de love drink, donc la boisson d'amour en anglais, love and drinks, qui est peut-être probablement love drink ou quelque chose de dérivé d'un mot anglais en fait, le vin herbé, a cessé de durer. Donc on est arrivé au bout de 3 ans, qui fait que du coup ils ne s'aiment plus vraiment. Durant ces 3 années, ils n'étaient pas là de leur amour, mais là ils commencent à se dire au lendemain de la Saint-Jean. C'est pas tellement qu'ils s'aiment plus en fait, ils sont toujours amoureux techniquement. Mais ils sont plus. Parce que comme le dit le texte, il était probablement d'ailleurs, comme on peut le supposer, il était probablement même avant de boire le vin herbé. Il y a cette histoire, cet aspect assez romantique de Tristan qui va visiter Iseu déguisé en jongleur quand il a sa blessure avec le Morold, etc. Là, c'est vraiment l'amour fou en fait, l'amour passionné. Et puis là, il fait se dire je m'enfuis, je dois vivre après de l'autre. Qui a cessé de faire effet. Là, en fait, ils retrouvent leurs esprits, si on veut. Ils disent, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la forêt ? Il faut qu'on a un peu marre de vivre dans la forêt, c'est à cause de Branguin qui aurait dû me faire... Enfin, ils commencent à se ressaisir. L'ermite les aide à être intercesseur par une lettre à Marc, ce qui lui permet la restitution, la restitution d'Iseu qui revient auprès de Marc. Ce que le roi accepte, et il y a des il y a quand même une espèce de douleur, mais disons c'est quelque chose qui se fait jusqu'à ce que un des gros problèmes après tous ces adieux et cette séparation, c'est qu'il y a des nouvelles intrigues à la cour où la reine, les barons sont là, la reine s'est mal conduite et il faudrait qu'elle soit punie, il faudrait que on prouve et il faudrait qu'elle se disculpe. Donc on essaie d'organiser une ordalie pour qu'on prouve qu'elle n'a pas été la maîtresse de Tristan. Il faut dire aussi qu'il y a des conséquences assez sociales, assez fortes en fait. Les choses immédiates auxquelles pensent Tristan et Iseu, c'est qu'ils n'ont pas pu remplir à cause de cet amour fou leur rôle social attendu. Iseu devait servir d'entremetteuse, devait marier les demoiselles de sa cour à des nobles chevaliers. Tristan devait servir le roi et en fait leur infraction n'était pas seulement spirituelle, morale, de cette façon-là purement charnelle, mais aussi d'un point de vue social. Ça leur a fait perdre leur rôle, c'est une conséquence mauvaise pour eux, mais qui est aussi mauvais pour les gens qu'ils auraient dû servir ou aider ou en tout cas envers qui ils auraient dû remplir leur rôle. Il y a une notion qui a un certain devoir en fait, auquel ils ont failli, au-delà du simple devoir de chasteté et de ne pas coucher avec la femme de son oncle. Voilà. il y avait vraiment l'idée qu'ils avaient des positions sociales qui étaient des positions où des gens attendaient des choses d'eux qu'ils n'ont pas pu leur donner. Ça participe peut-être aussi de l'aspect un peu justement, on dit souvent que la branche de Beryl c'est la branche commune alors que la branche de Thomas est la branche courtoise. D'une part parce que Thomas représente une position disons littéraire, peut-être qu'on va le voir plus élégante, plus orientée vers l'introspection, la pensée, la philosophie, alors que Beryl est quand même plus pratique. Même s'il y a effectivement des angoisses et des lamentations, c'est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus retenu. Par contre, chez Beryl, il y a vraiment cet aspect populaire, que ce soit dans la perception de Tristan par le peuple, que ce soit ici par le rôle social que normalement il devrait jouer et que là il ne joue pas. On peut y voir peut-être les traces d'inquiétudes différentes. On a vu aussi dans la version de Beryl, d'ailleurs, dans son style, un style plus ancien qui est peut-être plus proche de celui de Color Heroine, de celui d'aventure peut-être moins à la galloise, un peu moins justement d'introspection, un peu moins de soucis littéraires. Je pense que c'est un peu spécieux parce que ça reste quand même du vers en français, hein. C'est pas non plus un texte en prose galloise super court, mais c'est vrai qu'il subsiste peut-être une élégance un peu moins raffinée, plus dans le plus de discussions pratiques, en fait, plus de considérations pratiques et matérielles que chez Thomas. Et bon, ça nous amène, il nous reste environ 1500 vers qui composent en fait assez longuement, d'ailleurs pas très résumé, pas très élégamment, le dernier épisode de qui nous reste à Beroul avant la conclusion abrupte de son texte. C'est que justement ces trois barons accusent, Marc est en colère et il dit ah, à cause d'eux j'ai perdu mon neveu, ils m'ont fait chasser mon neveu, je suis pas content, je vais pas marchander avec eux, je leur ai déjà trop concédé. Puis donc Izu est plutôt content, elle se dit c'est un espèce de miracle que le roi ne me fasse pas retomber ça dessus, et finalement elle propose elle-même de se disculper et de créer cette espèce d'ordalie, donc elle va quand même solliciter cette confrontation. Marc, à un moment, dit justement qu'il pense que Tristan va revenir et le venger de ces trois sénéchaux. Donc il y a une espèce de réconciliation au-delà de ça, où les intérêts de Marc et de Tristan coïncident sur la fin. En fait, ils sont basiquement réconciliés. Même si Tristan dit qu'il va préférer, sur l'influence des barons d'ailleurs, hein, ils vont lui conseiller de ne pas garder Tristan près de lui, même si lui voudrait bien. Il va envoyer Tristan. Tristan va aller chez le roi de Frise. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment la Frise, le pays des Frisons, mais plutôt l'Écosse autour du Firth, the Forth, qui était appelée la Frise, justement, apparemment, à l'époque, en français en tout cas. Donc, autour de l'Écosse. Donc, on est de nouveau dans ce royaume, cette zone un peu frontière. Hein, c'est l'ancienne terre, une ancienne terre qui était plutôt bretonne, galloise, et pas à l'époque scotte. Mais toujours est-il qu'il y a un élément que Tristan va devoir partir malgré la réconciliation qui va intervenir. Donc Izu envoie un message à Tristan en lui disant de se déguiser en mendiant, d'apprendre à prendre une béquille, un gobelet de bois pour mendier, jongler avec une bouteille, enfin faire tout l'apparat de mendiant pour passer pour tel, et de retrouver tout le monde. En fait, le plan d'Izu, c'est basiquement, on va amener tout le monde à côté de la Blanche Lande, au Malpa, et là, je vais me disculper devant tout le monde, prêter serment. On appelle notamment le roi Arthur, donc on envoie Pérénice auprès du roi Arthur. Pérénice, c'est le valet d'Izu, en fait, qui sert la relation entre... C'est un allié de Tristan et d'Izu, il faut bien le dire. Il salue Arthur, c'est son ami, c'est l'ami du roi Arthur, la belle Izu, qui vous fait parvenir ce salut. Arthur a l'air de connaître Izu et d'être son ami. Et ils disent, venez, intervenez pour témoigner devant le jugement, parce qu'il y a ces mauvais de Noalan, Godoïne, etc., qui ont essayé de perdre Tristan et Izu. Donc, le jour dit, tout le monde est à côté du guet, Izu se fait transporter par lui à travers l'eau, et alors qu'elle est en train de se faire porter par lui, elle jure « Je n'ai jamais eu aucun homme entre mes jambes, à part le roi Marc et le lépreux qui est en train de me transporter. » Et comme c'est Tristan, elle n'est techniquement pas en train de mentir, mais les gens ne le savent pas, et du coup ça fait « Ah, elle a juré qu'elle avait été fidèle, basiquement, et que Tristan n'avait jamais été entre ses jambes. » C'est assez pratique. Ce qui suit, c'est la fin de Beroul, c'est vraiment... De Beroul, c'est Tristan tue Deneolan en le décapitant. Parce qu'ils sont en train de... Il est en train de... dans la forêt, en fait. Il est en train d'espionner les amants. Izu le voit, Tristan le décapite. Puis il prend son arc et il dit « Ah, j'ai tué tellement de bêtes avec cet arc qu'il ne m'a jamais failli, je vais tuer Godoïne. » Il tue Godoïne. Parce qu'en fait, Godoïne est en train d'espionner. Il a repéré une chambre, l'endroit où se trouvent Tristan, Izu, Gouvernail et Brangien. Et il les voit par la fenêtre. Et Izu le repère à la fenêtre et en fait indique à Tristan... qui doit n'avoir l'air de rien parce qu'il doit rester bien en cible, et Tristan parvient à décocher une flèche en plein visage de Godoïne, donc reste Ganelon qui est encore en vie, hein, le troisième larron, et le texte finit vraiment sur Godoïne qui tombe en arrière à cause de la flèche et qui n'a même pas le temps de dire « Je suis blessé, blessé suis, Dex confession » et ça se termine là. Je suis blessé, Dieu confession, ah, et c'est la fin du film. La flèche va tellement vite que rien n'aurait pu l'esquiver. Elle pénètre dans son œil en transperçant sa cervelle. L'Emerion et l'Hirondelle ne volent même pas à la moitié de sa vitesse, ce qui est probablement réaliste en fait, pour une vitesse de flèche. Mais du coup, voilà, Godwin tombe mort. Le texte finit, on peut supposer que ce qui se passe ensuite, c'est que Tristan tue le troisième et soit s'entretue avec lui, ou en tout cas se fait tuer ensuite de ça, et que Izu meurt ensuite de chagrin, probablement. Si on admet que c'est possible, on peut réconcilier ça avec la version de Thomas, hein. On peut imaginer qu'après, Tristan se rend en Bretagne, mais le problème, c'est que la version de Thomas, comme on va le voir, repose beaucoup sur un amour perpétuel entre Tristan et Izu, qui est aussi partie de la branche courtoise, en fait. C'est beaucoup plus proche de Lancelot et Guenièvre, alors que là, ils sont toujours... amis, mais leur relation après la réconciliation semble être un peu plus froide. le breuvage a... Ils ont toujours une espèce de relation, mais c'est pas la même chose que au temps où c'était vraiment irrépressible et où ça les amenait à fuir pendant 3 ans dans la forêt, quoi. Donc il y a cet aspect peut-être aussi un peu plus superficiel, vu qu'il y a cette blessure, cette fin du pouvoir du filtre, alors que chez Thomas, c'est vraiment jusqu'à la fin, les deux vont avoir un amour qui ne va pas pouvoir être supprimé, en fait, qui va pas pouvoir et qui va causer leur mort, finalement, d'une certaine façon, ironiquement. Mais voilà, c'est pour Béroul, on est vraiment dans une histoire qui est menée un peu tambour battant. Il y a c'est 4500, quoi, 4800 signes à peu près, 4800 lignes. 4486 vers. 4488. Ouais, donc on est dans un texte de. Qui veut peut-être en faire à peu près le double, je ne sais pas exactement combien quel était le consensus. Comparé à ça, la version de Thomas qu'on va voir maintenant, elle était originellement beaucoup plus longue. Donc voilà, c'était la version, ce qu'on appelle la version commune, la version de Béroul, à laquelle se rattache la folie Berne. Mais on voit justement qu'elle a quand même des éléments qui ne font pas forcément la version la plus populaire, c'est plus chez Thomas qu'on va piocher à côté. Elle a des éléments bizarres, et puis effectivement, l'histoire d'amour qui s'arrête au bout de 3 ans, c'est quand même quelque chose qui peut-être rend pas l'histoire aussi tragique et fatale. Ça permet justement un contraste et une espèce de repentance qui atténue un peu le côté amant maudit. Donc c'est peut-être ça qui fait que ça n'a pas eu tant de succès. Il y a peut-être un côté plus historique aussi, une petite volonté de raconter une histoire qui puisse se terminer avec un nœud bien propre. Garder Tristan comme chevalier à la cour d'Arthur, en tout cas pour un moment, je ne sais pas si c'est lié. Ouais, en tout cas, ça diffère un peu de ce qu'on va voir dans la version aussi plus fragmentaire de Thomas. Qu'on va aborder tout de suite après une petite pause musicale. De retour pour vous parler de la version de Thomas, Thomas de Bretagne ou parfois Thomas d'Angleterre de Tristan et Iseult, qui est un peu la dernière grande version qu'on va aborder avant de conclure avec un mot sur les folies Tristan et quelques autres petites reprises. Ce qui est assez intéressant, c'est justement il y a un fragment, entre guillemets, bon maintenant il est plus vraiment inédit, mais qui a été trouvé en 95 à Carlisle, donc il est vraiment en sale état, le texte est vraiment littéralement coupé, donc on a littéralement le bord du texte qui est coupé. Ils reproduisent d'ailleurs des photos du manuscrit dans l'édition de la Pléiade. Le tout début est vraiment, genre, c'est des bouts de 3 mots qui ont l'air d'une espèce de délire. Si je vous lis la traduction, suit le secret, s'en apercevait ainsi, car il l'a touché pour consoler. Il y a en mer, par quoi elle le lui cache, a été étonnant. Je ne vous ai pas tué, je n'ai pas commis de lâcheté, j'aurais vengé mon oncle. Donc on voit. C'est des espèces de fragments de textes babyloniens, de prophéties bizarres. Formule magique. Il y a une espèce de côté très fragmentaire, des bribes de délire fiévreux. Mais on voit un peu de quoi parle le texte et on se dit, ah ouais, c'est bien Tristan et Iseult. Il y a un passage qui a été beaucoup relevé, c'est que justement, il y a une espèce de manifestement de jeu de mots où on dit que me tient si fort, réjouir le cœur en mer, que fut l'amour si amer. Il y a une espèce de jeu de mots sur le est-ce que c'est le mal de mer ou est-ce que c'est le mal d'amour ou est-ce que c'est amer, mal d'amour, amer. Et je trouve ça marrant parce que c'est une espèce d'avancée de j'aime bien la littérature médiévale parce que vous retrouvez un texte qui pourrait basiquement être la pire chanson de Grand Corps Malade et c'est considéré comme une espèce de découverte. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages. En bateau, parfois c'est amer comme le mal de mer, le mal d'amour. Donc c'est pas genre, j'ai vu des gens qui relevaient ça, le mal de mer. Je trouve pas ça fabuleux comme jeu de mots, mais effectivement en français médiéval ça marche un petit peu mieux. Est-ce qu'on parle d'amour, d'amer, de la mer? Il y a une ambiguïté qui témoigne peut-être de ce qui devait être des mers. Si on prononce toutes les lettres du verbe. Donc il y a une espèce d'amertume, d'accès de bile, de nausée qui est mentionnée, l'oppression qui est mentionnée. Ise mentionne justement ce qui lui pèse sur le cœur. C'est un bout de la traversée en bateau apparemment. Les marins ont aperçu la terre et tout le monde se réjouit à la seule exception de Tristan l'amoureux, car il aurait préféré rester avec Ise plutôt que de voir la terre. Donc c'est quand même intéressant d'avoir justement le passage du bateau, qui est quand même pas le moindre, c'est le moment où il tombe supposément amoureux. Et c'est un bout qu'on n'a pas justement dans les versions de Bérulle et Thomas. Et se conclut sur le remplacement de Brangien dans le lit nuptial à la place d'Ise. Justement, elle se prépare tout comme la reine. Marc ne remarque pas la substitution, bon ça comme on imaginait. Le roi prend Brangien et lui enlève son pucelage. Ise est dans le plus grand désarroi. Après, voilà, il y a une chose qui se passe, c'est que Ise pense que Brangien va la trahir et la dénoncer au roi. Oui, ou qu'elle va s'attacher au roi et essayer de la remplacer. Et c'est une chose qu'on va récupérer dans la version norroise et qu'on peut voir en creux dans la version de Thomas, qu'on va en parler. Il y a un conflit très tôt dans la version de Thomas entre Brangien et Ise. En fait, il semble qu'Ise ait vendu Brangien à des cerfs pour qu'il la tue, donc à la Blanche-Neige un peu. Ouais. Ça marche pas, puis en plus, mais elle l'en veut pas trop au début. Mais après, il y a encore une aventure, on va le voir avec Canédrin, donc l'ami de Tristan, où elle dort avec lui. Mais elle le fait dormir pour pas qu'il couche avec. Mais après, il se fait passer pour un traître. Donc, un Sénéchal qui est amoureux de Brangien se fait passer de Diseux, lui dit regardez votre amant, c'est bien quoi. Et puis, du coup, elle en veut à Diseux de l'avoir fait. C'est plutôt. Donc, elle va se venger après. C'est assez curieux toute l'histoire entre Brangien et Diseux sur la fin. Parce qu'on n'a pas tous les éléments exactement. On les a dans la version norroise, mais on sait pas exactement comment ils étaient agencés dans la version de Thomas. Mais en tout cas, le texte se conclut en mentionnant manifestement, de ce qu'on peut déduire, que quand la reine retourne dans le lit, Marc ne se rend pas compte de la différence parce qu'il a bu du vin. Donc ça explique un peu voilà, pourquoi il ne se rend pas forcément compte de la différence et qu'il l'embrasse avec un grand amour, une grande tendresse. Et c'est là que ce fragment relativement récent, donc, qui a été trouvé il y a plus d'une vingtaine d'années, a été trouvé. Mais Thomas, comme Bérulle, le reste du texte de Thomas qu'on a commence un peu au milieu de In Media Res. Ouais, même plutôt presque vers la fin, parce que si on en croit la saga et si on en croit le roman de Gottfried de Strasbourg, ce moment-là, en fait, de Thomas commence en fait juste après la réconciliation. La chasteté a été constatée par Marc dans la forêt. Et ils se retrouvent, nouveau à la cour les deux, mais ils continuent à se voir, et là ils se voient dans un verger. Visiblement, ça a dû se terminer différemment. Au lieu d'avoir justement cette potion qui s'affaiblit et qui motive leur retour, là c'est Marc les a pas tués, donc ça veut dire que Marc accepterait leur retour et ils doivent se rendre plus ou moins directement. En tout cas, ils continuent à se voir. Et là, de nouveau, le roi, avec un nain, les voit, mais les voit seulement endormis. Et il va chercher des barons pour que les barons constatent en fait la mort, qu'ils doivent être condamnés à mort et qu'ils vont être donc livrés au bûcher. Tristan se réveille parce qu'il avait entendu le roi, en fait, il se réveille juste avant que le roi arrive, il l'a entendu et il dit à Ise qu'ils doivent se séparer et il dit en fait que si lui part, Ise sera probablement épargné, ce qui effectivement arrive. Le fragment est vraiment très court. Et se termine juste sur Ise qui donne un anneau en sa mémoire à Tristan. Et on va plus loin d'un coup, on se retrouve dans un manuscrit différent. Le manuscrit là, dans un folio en fait, qui est un folio d'un manuscrit à Cambridge, se trouve là dans un manuscrit de la Bodleian Library, la suite. Et on va voir le mariage de Tristan avec cette Iseu aux blanches mains, qui est la sœur de son ami Canédrin. Qui est donc une autre Iseu. Voilà, qui est une autre Iseu, qui a beaucoup d'emphase sur le fait qu'il se marie avec elle, non pas parce qu'il n'aime plus Iseu ou qu'il déteste Iseu, il le dit bien, mais pour voilà, tester Iseu en quelque sorte. L'idée est que Iseu, quand elle verra qu'il a... parce qu'il dit même explicitement, je ne me marierai pas avec Iseu si elle ne s'appelait pas Iseu ou si elle n'était pas belle. Elle doit avoir les deux qualités. Les deux qualités essentielles chez une femme. S'appeler Iseu, être belle. Mais il ne va pas consommer le mariage, hein. Il va bien garder. Il va d'ailleurs utiliser comme excuse le fait qu'il a une vieille blessure. Là, il a dit qu'il a une vieille blessure, donc on a l'impression qu'il se tourne vers la caméra et qu'il fait la blessure d'amour. Et puis sa femme dit, bon, ok, je comprends. Il y a un épisode où elle est aspergée par Iseu au blanchement et aspergée par de l'eau en traversant une rivière. Et elle est avec son frère. Elle rigole en disant que l'eau l'a atteint plus haut sur sa cuisse que jamais où Tristan ne l'a touché, en fait. Oui, donc Tristan, même après sa nuit, ne va pas consommer le mariage, en fait. Donc il y a tout un long passage où Tristan va s'interroger sur le bien fondé de ses actions. Est-ce qu'il est vraiment maléfique? Est-ce qu'il est gentil avec Iseu? C'est très long. Alors c'est très bien écrit, moi je trouve ça très beau, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu, disons, digressif et pénible à lire si on s'intéresse à l'intrigue. Si vous aimez pas les tourments amoureux, c'est peut-être pas l'histoire pour vous, disons. C'est intéressant d'un point de vue littéraire, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue philosophique. Mais c'est sûr que d'un point de vue de l'histoire de chevalerie, l'action forte, on est très loin. Même dans Lancelot, il n'y a quand même pas autant d'interrogations et de circonvolutions philosophiques. Et même après le mariage, en fait, Tristan va se rendre compte qu'il a fait une erreur, en fait, parce que maintenant, non seulement il est en colère contre lui, il est un peu pas en colère, mais Iseu est en colère contre lui, lui n'est pas en colère contre elle, mais se rend compte qu'en fait, en se mariant, il va pouvoir provoquer sa colère d'autant plus, et en plus, il va pécher à l'encontre de sa jeune femme, qui l'épouse non pas pour elle-même ou avec l'intention de l'aimer, mais juste parce qu'elle lui rappelle, donc il blesse encore plus de monde. Donc il se rend compte de « I made a huge mistake » juste après, quoi. C'est assez dramatique, en fait, dans l'histoire. Et il va encore y avoir beaucoup, beaucoup de digressions et de lamentations de la part de Tristan sur cet état de fait qui va causer du remords. Et il espère juste que Iseu lui pardonnera quand elle verra à quel point il a été tourmenté. Donc c'est vrai que il peut sembler un peu, disons, pleurnichard. Et le texte est très didactique, il nous explique bien. Donc on a presque l'impression que c'est un manuel d'amour de ce qu'il ne faut pas faire pour les jeunes chevaliers par moment, quoi. Il y a une notion, contrairement à chez... alors il y a une lamentation sur le fait que Iseu a dû se marier avec Marc qui s'aime pas, là en l'occurrence il y a un peu de ça, mais il y a aussi une fait que on doit se marier pour des raisons raisonnables, en fait. Vous n'allez pas vous marier de dépit avec une femme qui ressemble avec celle que vous aimez juste parce que l'autre vous a un peu chassé. Il semblerait aussi que Tristan perçoit son départ, son exil forcé comme quelque chose que Iseu issu de la colère d'Iseu, qu'Iseu n'est plus tellement amoureuse de lui. Il y a une espèce de doute, en fait, de la part de Tristan aussi. Il veut tester Iseu dans cette affaire. Donc c'est pas quelque chose de non plus certain, quoi. Même si le filtre d'amour n'a pas relâché son emprise, il y a une incertitude de sa part. Ils sont pas conscients, en tout cas. Donc évidemment, il y a ce mariage, il y a cette scène de coucher, et il y a toute une scène, alors qui est assez rigolote, où en fait Iseu se lamente, l'autre Iseu, Iseu la blonde, parce que Tristan n'a pas de nouvelles de Tristan, et puis les ennemis de Tristan à la cour, parce que là Tristan a beaucoup plus d'ennemis que dans la version de Béroul, n'arrêtent pas de lui raconter des sornettes et des histoires. Ils disent en fait c'est comme si Tristan a dû avoir beaucoup d'aventures, mais seulement les plus mauvaises ou les mauvais résultats ou des mauvaises rumeurs arrivent à Iseu. Du coup elle n'entend pas ses exploits, elle entend juste parler j'entends dire qu'elle allait combattre ce géant, mais ce géant il tue tout le monde, donc ça se trouve il est déjà mort. Et en fait il va combattre un géant qui est le neveu du grand orgueilleux. Et là il y a une digression sur qui est le grand orgueilleux. Le grand orgueilleux, c'était, alors je sais pas si c'était lui-même un géant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il adorait tuer les gens pour leur arracher la barbe du menton et s'en faire une pelisse, en fait. Il venait de l'Afrique à la base. Et un jour, il avait déjà une longue pelisse bien ample qui traîne par terre, puis il entend parler du roi Arthur. Et donc, il envoie gentiment une lettre au roi Arthur pour dire « Envoie-moi ta barbe, sinon on voudra se battre. » Puis Arthur dit « Mais viens la chercher. » Et effectivement... On avait vu la même chose dans le Père Lesvos, où on avait des ermites qui faisaient des airs avec des barbes de chevaliers, puis qui voulaient la barbe de Lancelot. Oui, c'est quand assez similaire. On connaît les tabous qu'il peut y avoir sur des Gallois quant à leur barbe, c'est possible qu'il y ait des laits bretons ou des choses comme ça, des traditions bretonnes là-dessus qui soient plus vieilles que ça. Toujours est-il que ce grand orgueilleux a été tué par le roi Arthur, et que du coup il y a le neveu du grand orgueilleux qui veut maintenant battre le roi qui a battu son oncle, et en fait il va chercher cet empereur, et il sait que Tristan s'est mis au service de ce roi Arthur avant de venir en Petite-Bretagne. Parce que Tristan est en Petite-Bretagne, c'est là où vit vivent Canédrin et Iso Blanchemain. Il a son château là-bas pour toute la fin du récit, en fait. D'où le passage final fatidique de la traversée avec les voiles noires ou les voiles blanches d'Iso. Donc, le grand orgueilleux va être battu par Tristan. Mais alors que la reine est assise dans sa chambre, et là, c'est intéressant parce qu'on nous parle de la reine en train de chanter un lait qui raconte l'histoire de Guiron. Guiron qui était lui-même amant d'une dame mariée dont le mari a forcé sa femme à manger le cœur de Guiron. Donc c'est un lait très triste. Et Cariado, qui est un comte qui est amoureux d'Iseu, en fait, vient lui raconter des sornettes et lui dire que la mort de Tristan est proche. Et en fait, il compare le chant d'Iseu au chant de la chouette effraie ou du chat-huant. Parce que la mort de le son de ces animaux annonce la mort prochaine de quelqu'un. Donc il y a aussi une notion que Iseu est elle-même responsable de la mort. Iseu est un banshee. Voilà, Iseu est une banshee, exactement. Mais Iseu lui réplique lui-même que Cariado est chat-huant lui-même. Parce qu'il vient colporter des malheurs. Et en l'occurrence, il colporte le malheur que Tristan a épousé Iseu au Blanchemain, la fille du duc de Bretagne. Cariado, c'est Caradoc, en fait, comme, en termes de nom. C'est probablement une racine similaire, en tout cas. Et en fait, le fragment du mariage se termine avec la grande douleur d'Iseu qui apprend ce mariage, en fait. Donc, c'est des fragments qui sont finalement assez cohérents. C'est pas des pertes, nécessairement, c'est vraiment des bouts qui étaient copiés, ça et là. En tout cas, dans certains cas, en tout cas, dans ce cas de ce mariage. On nous apprend ensuite, dans un manuscrit différent, là, on est dans un manuscrit plus tardif, le manuscrit de Turin. C'est un manuscrit perdu, en fait. On ne le connaît que parce que Bédier en a fait une copie d'après une photographie. Le manuscrit est aujourd'hui perdu. C'est un manuscrit qui raconte deux épisodes principaux. Le premier, c'est l'épisode de la salle aux images. En fait, Tristan fait construire une salle dans laquelle il met des sculptures, des images des femmes apparemment qu'il a rencontrées, puisqu'il y a une sculpture d'Iseu. Il va exprimer sa haine, notamment envers Iseu. Il pense qu'Iseu l'a vraiment le dédaigne maintenant. Il craint également qu'Iseu tombe amoureuse du beau Cariado au lieu de qu'elle le perde. Il est très très jaloux, en fait. Et il va aussi s'adresser à l'image de Brangien. Brangien a son image dedans, peut-être parce que son ami, justement, Canédrin, est amoureux d'elle. Il y a tout un long passage, donc du coup, il va se lamenter du fait que, notamment, le roi Marc possède le corps d'Iseu. Et il y a une discussion philosophique sur le fait que, justement, Tristan souffre. Non seulement à cause d'Iseu Blanchemain, et il souffre à cause de... Il y a toute une discussion, en fait, de cette espèce de triangle amoureux, enfin de quadrangle, de carré amoureux entre Iseu Blanchemain, Tristan, Iseu la Blonde et Marc, qui lamentent un peu l'état de fait et les raisons politiques qui font que, du coup, Tristan ne peut pas... les gens ne peuvent pas être en couple avec les gens qu'ils aiment, en fait. Et donc, tout le malheur d'Iseu au Blanchemain est aussi souligné, en fait. Elle est une victime, vraiment. Et c'est là qu'intervient, en fait, l'histoire de Caerdin, pas Canédrin, je sais pas comment... Certains noms, parfois, sont un peu... Caerdin, oui. Oui, Caerdin, Caerdins, ou Caerdin, justement. Et Iseu et Tristan vont, Iseu au Blanchemain, vont chevaucher pour se rendre à des joutes. Et c'est là qu'intervient l'épisode, justement, de l'eau glacée qui gicle. Quand le sabot de son cheval va marcher dans une flaque, en fait. Donc, du coup, c'est là qu'intervient l'épisode du rire d'Iseu au Blanchemain. L'explication qu'en fait, la main de Tristan n'est jamais allée jusque-là. On n'a pas la réaction de Caerdin parce que l'épisode, en fait, s'arrête là dans le manuscrit. Le prochain manuscrit décrit un cortège d'Iseu parce qu'il gagne l'Angleterre pour rendre visite à Iseu et chercher Brangien, car Caerdin veut voir cette dernière et Tristan veut voir Iseu. Et là, Tristan va donc... arrivé avec Caerdin dans la ville où ils savent que Marc doit passer la nuit, et en fait, finalement, il parvient à voir le cortège et à la voir de loin. Et il semblerait que cet épisode ce soit en tout cas avant, peut-être, on ne sait pas exactement la relation parce que Caerdin ne reconnaît personne, en fait. Et c'est un manuscrit exactement très bref, encore une fois, et qui va survivre en fait seulement dans ce manuscrit de Strasbourg. Il a été détruit en 1870, donc pendant, j'imagine, la prise de Strasbourg. Il ne s'est rien passé en 1870. Voilà. Hein. Pendant le retour de Strasbourg dans son Ouraïmat. Voilà, exactement. Attention, on va avoir des appels fâchés de certains Alsaciens. Il faut imaginer. Pendant la guerre de franco-prussienne. Il reste donc la fin du roman, qui est essentiellement connu par le manuscrit d'Oxford, le manuscrit 12 d'Oxford, qui est un manuscrit aussi conservé à la Bodleian Library, et quelques extraits du manuscrit de Turin, en fait, qu'on mentionnait avant, qui avait été détruit et qui avait été sauvé par une transcription de Bédier. Quelques bouts de cette conclusion se trouvent aussi dedans. Et là, en fait, ça commence avec justement le désespoir de Branguien, qui se plaint à Iseux de tous les malheurs, en fait, qu'Iseux lui a causé. Donc c'est possible que dans la version telle que Thomas l'avait, c'était pas la faute de Branguien, le filtre. C'est assez clairement chez Béroul la faute de Branguien, parce que il s'en lamente, mais c'est pas nécessairement le cas dans la version de Thomas, parce que Branguien semble plus être une victime presque d'Iseux et Tristan, justement. Et elle va en fait provoquer une dissension de nouveau entre Iseux et le roi Marc. Mais cette fois-ci, d'abord, elle pense impliquer Tristan de nouveau, mais elle a un changement d'idée, et en fait, elle va essayer de faire croire qu'Iseux est en fait maintenant l'amante de Cariado. C'est assez curieux, ce passage, parce que du coup, elle semble avoir vraiment de la haine pour Tristan, puis d'un coup, elle décide plus ou moins de l'épargner, en fait. Mais ça se fait au terme d'une longue discussion de nouveau philosophique sur les motivations d'Iseux par rapport à Branguien, les événements qui sont passés avec Cairdin, donc qui ne sont pas dans le texte qu'on a qui survit de Thomas, mais qui sont mentionnés dans la version norroise. Toujours est-il que dans tout ça, elle va révéler, disons, une vérité partielle à Marc. Oui, Iseux n'est toujours amoureux de quelqu'un, mais elle ne va pas dire de qui. Et il va en fait avoir un projet de laisser, en tout cas, Branguien s'occuper de Cariado. Tout ce que ça va faire, en fait, c'est mettre Iseux sous l'autorité de Branguien, plus ou moins, en fait. Et elle va être tirer un peu de cette autorité. Elle va parvenir à revoir Tristan, qui va là prendre de nouveau l'apparence d'un lépreux et essayer d'obtenir justement une aumône de la part d'Iseux pour la voir, en fait. Et elle va lui donner de nouveau un autre anneau. En lui jetant dans le hanap, donc il se trimballe avec du coup un gobelet en bois dans lequel il y a une bille, et il utilise ce gobelet comme une crécelle, en fait il fait du bruit, parce que les lépreux sont censés faire du bruit quand ils arrivent quelque part pour qu'on puisse les éviter. Et Branguien en fait va le faire chasser, et c'est là qu'il va comprendre que Branguien déteste à présent Iseux et Tristan, et il va finalement réussir à s'échapper, se cacher sous un escalier où il est en train de se tourmenter, de jeûner, de mourir à moitié. Donc ça, c'est un élément aussi qui est assez récurrent au Moyen-Âge. On le trouve notamment dans la vie de Saint-Alexis, qui va mourir sous l'escalier de son père à Rome, après être été convaincu. Donc c'est un élément assez convenu. Et en fait, sous cet escalier, il va être sauvé par le portier qui, en fait, le connaît. Il va finalement encore essayer d'implorer la pitié de Branguien. Et elle va continuer à justement... essayer de les convaincre de renoncer, parce que et de renoncer à la faire fléchir, parce qu'elle-même elle se sent coupable et disons idiote de s'être mise au service de Félon. Et au final Branguien, grâce à aux implorations d'Iseux, est quand même convaincu de se réconcilier avec Tristan, et Tristan lui explique qu'en fait toute l'histoire donc de la traîtrise de Cairdin n'était en fait qu'un coup monté, et qu'en fait la vérité que ce qu'elle croyait être la faute de Cairdin n'était pas de sa faute, et que du coup ils peuvent être réconciliés. Et en fait toute cette aventure sombre dans laquelle Branguien les trahit à moitié et les empêche de se voir, se finit finalement par une réconciliation générale. C'est assez curieux comme passage. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de ce passage-là. Oui, non, il y a des allers-retours qui sont un peu plus là pour... on n'essaye pas de faire avancer l'histoire de la manière la plus efficace, mais plutôt de mettre en scène les tourments de tout le monde, les maximiser. Donc il y a un côté très soap-opéra, je trouve, qui peut faire un peu la force de ce genre d'histoire, si on apprécie ça. Mais c'est sûr que si on a envie, on est un peu en train de taper sur sa montre à attendre que les amants maudits soient en train de mourir, quoi. Oui, c'est ça. Il y a... Parce qu'il reste encore 2-3 aventures avant la fin. Ah oui, on n'est toujours pas dans on n'est toujours pas dans la partie finale, là. Il faut dire aussi qu'à la base, ce roman de Thomas faisait 19 000, à peu près 20 000 vers. On estime, ouais. On en a à peu près 3500, pour vous donner une idée. Donc, ça devait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Et ça s'explique en partie par l'accumulation de ces épisodes un peu, voilà, parfois répétitifs, où il se passe la même chose, mais avec quelques variations, mais qui servent à mettre justement l'emphase sur le tourment. Et on en a parlé quand on a parlé des premiers romans de Chrétien, mais c'est des textes qui sont pas faits pour être lus à la suite. C'est des textes qui sont épisodiques. C'est pour ça que je trouve toujours amusant quand ce genre d'histoire est adapté en série TV, en dessin animé un peu répétitif comme ça, parce que c'est à peu près ça. C'est un récit de nature très épisodique à la base. Faut préciser aussi peut-être que Iseut se lamente tellement du départ de Tristan après ces événements qu'elle va porter un cilice. En fait, quand elle est loin de lui, elle le porte toujours, sauf quand elle dort avec Marc, pour qu'il ne le voit pas, évidemment. Mais elle va vraiment souffrir le martyr, plus ou moins littéralement, pour souligner la douleur. Donc il semblerait qu'à ce point-là... Théoriquement, elle devrait avoir quand même quelques marques sur sa peau du cilice. Quoique le cilice peut faire de la douleur, suivant comment, si c'est pas des trucs avec des crochets, ça peut faire mal sans avoir... Oui, mais même... Ça devrait laisser une cicatrice, effectivement, au bout d'un moment. En tout cas, elle ne dit qu'elle ne retirera son cilice que quand il sera de retour. Et c'est de nouveau un événement... C'est quelques lignes, hein. Il passe presque plus de temps, en termes de lignes du texte, en Angleterre, parce que... chaque fois qu'il part, on nous dit simplement et elle se lamentait tellement, elle porte ce cilice, que maintenant Tristan et Caerdyn reviennent en fait du coup. Et là, pour le coup, il revient pour participer à un tournoi avec Caerdyn, et Caerdyn en fait massacre Cariado sans autre forme de procès pendant ce tournoi. Et c'est là qu'on arrive vraiment au début de la fin. Après le massacre de Cariado, ils se prennent la fuite. Caerdyn a vengé toute l'histoire avec Brangien dans laquelle il avait été détourné, et ils arrivent à s'échapper et à retourner en Bretagne. Et là, nous dit Thomas qu'il y a tout un passage assez long en fait où il va discuter la façon même de faire son compte. Il dit: Seigneur, ce compte est fort varié, cet compte est multi divers, et pour ça l'uni par mes vers. Donc l'idée est que c'est un compte qui est tellement divers, épisodique, avec tellement de répétitions qu'il est juste là pour l'unir et en faire une histoire plus ou moins cohérente. Mais il ne veut pas l'unifier à excès. Il élimine le surplus, mais il ne veut pas non plus cacher qu'il y a plusieurs versions. Et là, il voit qu'il y a un épisode ici où chez chaque conteur, il y a une version un peu différente. Il en a entendu plusieurs, il les connaît, il les pratique, mais certains conteurs ne suivent pas la version que lui, il suit, qui est la version qu'il dit de Bréry, qui connaissait les récits épiques et les contes de tous les rois et de tous les contes qui ont été la Bretagne. Et il souligne qu'il y a un épisode qui est souvent mentionné là, que lui et la plupart des autres conteurs ne cautionnent pas, parce qu'ils l'estiment cohérent et pas original, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, parce que il mentionne une femme de Caerdyn, peut-être sa sœur du coup, qui aurait été amoureuse d'un nain. Et il ne nous dit pas exactement le contexte de ça, mais il semble suggérer que le nain aurait été poussé à blesser Tristan et à l'empoisonner après avoir tué Caerdyn. Donc, et là, on nous dit que c'est pour cela que Tristan va envoyer chercher Iseut pour le guérir, et que toute la fin de l'aventure va se passer. Et nous précise Thomas, le problème c'est qu'il envoie Gouvernail dans cette histoire. Et Thomas trouve ça illogique. Il nous dit: Thomas ne peut garantir cet épisode. Thomas, il saut garantir une volte, et si volte par raison de montrer. Donc il ne peut pas le garantir, il veut par raison le montrer. Cet argument ne tient pas debout. Gouvernail, nous dit-il, était connu partout. Si ce fut par toute la part connue et par tout le règne su, que de l'amour et par son air envers ses autres messagers. Donc qu'il était le complice de l'amour de Tristan et qu'il était le messager de celle-ci auprès d'Iseut. Que le roi l'avait. Le haï moult formant, guetté le faisait à sa gente. Donc il avait confié à ses gens le soin de guetter Gouvernail. Et donc, comment cet homme qui est. Comment peut-il donc venir, son service à la cour offrir, al rey, al asbaruns, à sergents, cum fut étrange marchance. Donc, comment peut-il venir offrir son service au roi, comme un marchand, auprès de ses comtes, auprès de ses sergents, alors qu'il aurait été si connu. Il aurait été immédiatement reconnu. Et ce qui est assez intéressant, parce que dans la plupart du récit, en général, si quelqu'un peut se cacher, voilà. Qui que ce soit. Et là, Thomas justifie le fait que bah, Gouvernail n'aurait pas pu possiblement passer pour un marchand. Et, aller. Et ce qui est intéressant, c'est que il pourrait dire non, c'est pas Gouvernail qui l'a envoyé, c'est un autre type. Non, il dément toute l'histoire de ces conteurs-là, juste à cause de ce détail. Donc il dit, c'est ça qui est rigolo, donc ne sait comment il se gardasse, ne comment Isolde a menace, je ne sais pas comment il se serait gardé, comment il aurait amené Isolde. Il sont del cun force veillé, est la verrure est soignée, et c'est de son volt grantir, ne voile vereux s'estriver. Tangente le lourd et joue le mien, la raison s'y prouvera bien. Donc nos conteurs se fourvoient, ils s'éloignent de la vérité, et s'ils ne veulent pas en convenir qu'ils ont tort à cette histoire de Gouvernail qui va chercher Isolde, moi je ne veux pas débattre avec eux, ils peuvent se tenir à leur version. Je m'en tiendrai à la mienne et on verra bien qui aura raison. Et ça, je trouve ça fascinant ce passage. C'est vraiment une dispute autoriale, c'est une dispute académique, on pourrait croire. Bédier, O'Gorman en train de tacler Bédier justement dans son édition du. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens ce que vous dites, c'est pas possible, vous ignorez totalement. C'est vraiment une dispute académique, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Mais ça montre aussi qu'il y a une version de l'histoire qui est vue comme authentique. Bon, ça c'est courant que quand quelqu'un écrit une version de l'histoire, il vous dit ok, accrochez-vous parce que moi je vais vous raconter. Vous avez entendu l'histoire de Perceval, moi je vais vous raconter la vraie histoire. On a vu ça dans Perceval. Là, il y a l'idée que chaque conteur veut raconter l'histoire, effectivement. Mais là, spécifiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une norme. On attaque frontalement une version de l'histoire. Ouais. On attaque frontalement une version de l'histoire et surtout, on dit que la plupart des conteurs ont une version correcte. Mais il y a certains conteurs qui ont une version que nous, on ne peut pas cautionner. Donc, il y a aussi une différence d'école. Et on peut peut-être essayer de penser que dans la version de Beroul, il y avait cette histoire de Gouvernail qui va chercher Ise. On peut penser, c'est facile parce qu'on a ces deux branches, et on peut se dire, voilà, ça semble assez logique. C'est pas sûr, on ne sait pas vraiment. Et comme tu le disais, c'est possible aussi que la version de Beroul se terminait beaucoup plus simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce débat et cette existence de deux positions. Et qui n'est pas quelque chose de simplement individualiste, de dire ah non, ma version c'est la meilleure, c'est de dire il y a une version correcte, je vous la raconte, c'est celle que les autres, et on se fie à cet auteur qui savait très bien de quoi il parlait, et c'est celle qui a travaillé. C'est vraiment l'application en fait de textes, de traditions textuelles qui ne sont pas d'habitude appliquées au roman ou à ce genre de texte en fait. On pourrait, il pourrait parler d'un texte de Cicéron ou de Flavius Joseph ou d'Hérodote, ça paraîtrait plus logique. Là, c'est vraiment un texte pour nous de fiction, mais il y a ce statut un peu évidemment fluide de la matière de Bretagne et il peut y amener une critique textuelle de cette façon là, donc ça je trouve ça assez intéressant. Donc à la place de raconter l'histoire de Gouvernail, il va raconter l'histoire telle que lui il la connaît, et en fait c'est Tristan et Caradine qui vont rencontrer un chevalier qui s'appelle Tristan le Nain, qui n'est pas un nain en fait, hein, parce qu'il est comme grand et élancé, un fort beau chevalier, c'est impressionnant. C'est juste, non seulement il a une passion pour les personnages qui ont le même nom, mais en plus il leur donne des noms qui n'ont pas de sens. Genre Tristan le Nain, qui d'ailleurs n'est pas un nain, donc c'est juste pour le différencier du premier. Ouais, il nous dit qu'il recherche le château de Tristan l'Amoureux, du coup, parce que Tristan ne peut plus être le Tristan simplement, il doit être Tristan l'Amoureux. Et il se plaint que Tristan lui dit je suis Tristan l'Amoureux, je vous aiderai. Alors le Tristan le Nain semble un peu le mettre en doute, puis je vais vous aider. En fait, Tristan le Nain, sa dame s'est faite ravie par Estoute l'Orgueilleux du château fier, qui la retient de force. Et donc Tristan l'Amoureux décide d'aller aider Tristan le Nain. Et ils vont aller tous les deux à la chasse de cette dame qui a été retenue en otage. Ils vont aller guetter les méchants et tout l'orgueil à six frères en fait qui sont des chevaliers à son service. Deux d'entre eux rentrent d'un tournoi. Alors les deux, Tristan les provoque et les tue quasi instantanément, donc il n'y en a plus que cinq. Mais ils sont quand même à 2-5, donc du coup ils vont réussir finalement à avec l'aide de Caradine les affronter. Ils ont tué les quatre chevaliers, les sept frères sont morts, mais Tristan le Nain a reçu un coup mortel et Tristan l'Amoureux est blessé au rein par un épieu empoisonné en fait. Et donc il a parvenu à tuer la personne qui l'a blessé, mais il va quand même mourir s'il n'est pas soigné. Et là du coup, évidemment il va demander l'aide de Iseu après avoir été maltraité. En fait ses médecins ne l'arrivent pas à le traiter correctement. Il sait que Iseu la blonde pourra le soigner, il va demander à Caerdine d'aller la chercher, et en fait il révèle toute l'histoire de son amour avec Iseu, pourquoi il s'est marié avec sa sœur, mais pourquoi il ne l'a pas touchée, Et le truc, c'est qu'en fait, il révèle ça à Cardin pendant que la sœur écoute à la paroi. Et du coup, Iseu au Blanchemain, ben, comme on vous l'a expliqué hein, dans la petite introduction au récit qu'on a fait, c'est assez simple. Cardin va réussir à faire venir Iseu et Brangien avec lui en bateau. Ils vont passer par des tempêtes. Ils vont avoir beaucoup de problèmes en fait en chemin. Et Iseu, la Blanche, va au Blanchemain, donc va voir les bateaux arriver. Mais au lieu de dire ah ben voilà, il y a la voile blanche et Iseu qui arrive pour te soigner, elle va prétendre que c'est la voile noire et que du coup Iseu n'a pas pu venir. Et du coup, bah, voilà, Tristan se laisse mourir parce qu'il sait que son espoir est futile. Et en arrivant sur son corps, Iseu va pleurer et mourir immédiatement, en fait. Et c'est là que se termine le récit. Sur leur enterrement commun, en fait, sur la douloureuse fin, finalement, de ces deux amants qui sont unis jusque dans la mort, ils sont morts avec toujours l'effet du filtre en eux. Ils sont vraiment... voilà, c'est très tragique, et on n'a pas encore l'épisode de justement ce lierre qui va relier leurs deux tombes, parce que ça c'est une addition qu'on trouve que dans la version norroise de la saga. Mais en tout cas, la mort des deux... Il y a deux fins différentes, un peu, enfin ouais. Deux fins légèrement différentes. Il y a une fin légèrement plus longue, où il y a une lamentation un peu plus longue, où elle l'embrasse, où elle rend l'âme contre lui, bouche contre bouche. Et Iseu, Tristan mort par amour, Iseu, la belle Iseu de tendresse pour lui. Il y a un passage qui est assez marrant, qui est relevé notamment par Alan Lupac, c'est que pendant qu'ils arrivent en bateau, dans la tempête, il y a Iseu qui commence à rêver plus ou moins ce qui pourrait arriver pour qu'ils soient réunis. Il se dit « Ah !» Il faudrait qu'on s'échoue et puis que le bateau soit renversé et puis qu'il y ait un poisson qui me mange et puis que Tristan soit mangé aussi et alors on serait réunis dans le poisson. Et puis elle se rend compte elle-même que ça n'a pas de sens parce qu'elle commence à envisager sa propre mort dans la tempête, se dire si c'est la volonté je veux bien mais notre amour est si fort qu'on sera réunis. Mais vous pouvez pas vous noyer sur la terre parce que vous êtes blessé. Elle parle à Tristan en pensée parce que vous êtes blessé. Comme ça, notre corps à l'intérieur des poissons, on leur rendra les honneurs que mérite notre amour. Mais ça est impossible, et pourtant, si Dieu le veut, cela devrait lui produire. Et elle commence à se rendre compte que ça n'a pas vraiment de sens. Et du coup, ça va se terminer effectivement sur la mort des deux amants. Bouche contre bouche, corps contre corps, elle va rendre l'âme. Et Tristan mourut par amour pour Iseu qui ne put arriver à temps. Tristan mourut par amour pour elle, la belle Iseu par tendresse pour lui. C'est intéressant qu'il soit tendresse et pas amour. Est-ce que c'est juste une répétition poétique, mais le sens est le même. Toujours est-il que Tristan et Iseu sont morts, et que du coup Thomas va pouvoir achever son histoire. Thomas finissi son escrit, à toute sa mante salut si dit, as pensis et amorus, as envius as desirus, ad envisies et as perverse, à toutes celles qui auront de ces vers. Donc à tous ceux qui entendent les vers, qu'ils ressentent l'envie et le désir d'aimer, les voluptueux et même les pervers. tous ceux qui entendent ces vers, il va dire que pas de king shaming. Voilà, pas de king shaming chez Thomas. Il va dire que tous ne seront pas contents, tous n'auront pas eu leur compte en fait en entendant cette histoire. Mais il a fait du mieux qu'il a pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu et j'ai dit toute la vérité comme je l'avais promis au début. J'ai rassemblé des contes et des vers et j'ai ainsi pour offrir un modèle et pour embellir l'histoire afin qu'elle puisse plaire aux amants. Et afin qu'ils puissent, en certains endroits, se souvenir d'eux-mêmes. Donc l'idée est de tendre un peu un miroir aux amants qui sont dans des situations similaires. Avoir un puiste grand confort, en contre-change, en contre-torte, en contre-peine, en contre-dolor, en contre-tweet, un jeans d'amour, qu'ils puissent trouver là une consolation envers l'inconstance, le tort, la peine, la douleur, envers tous les pièges de l'amour. Et ça se termine vraiment sur cet appel très, finalement... Très inclusif. Très romantique, très inclusif. Il n'y a pas une notion que c'est seuls les amants... Il y a beaucoup moins de jugement que chez Beroul. On a beaucoup moins cette mise en perspective morale, on va dire. Oui, c'est ça. C'est l'élément central du roman de Thomas, pour moi, en fait. C'est vraiment ces aspects philosophiques où il va digresser sur la morale des actions de Tristan par rapport aux deux Iseu, sur le tourment qui engouffre non seulement Tristan et Iseu, d'ailleurs, mais aussi Iseu au Blanchemain et Marc, qui sont finalement très peu considéré dans le roman de Beroul. On ne s'intéresse pas aux états d'âme de Marc, en fait, à part pour nous dire qu'il croit son nain et puis il est en colère à cause du nain. Mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Marc est un peu un idiot dans le roman de Beroul, avec ses oreilles de cheval et ouais. sa réaction au quart de tour, très crédule. C'est beaucoup plus, disons, psychologiquement intéressant, je trouve, chez Thomas. Et ce n'est pas surprenant pour moi que Thomas perduré plus longtemps et servi de source ultérieurement, en fait. Je ne sais pas si tu avais d'autres remarques sur Thomas, d'autres idées à suggérer. Non, pas vraiment. Je trouve qu'il y a une nature qui est peut-être presque plus épisodique encore, mais bon, c'est un peu augmenté par la nature fragmentaire. Les fragments sont vraiment gênants parce qu'il y a des... Typiquement, on ne voit même pas la réaction de Caerdyn quand sa sœur lui dit que son mariage avec Tristan n'est pas consommé. On ne sait même pas comment il réagit alors qu'on sent que c'est un peu l'enjeu de cette scène, finalement. C'est une révélation et on ne sait pas si ça passe, ça ne passe pas. Surtout, ce serait une symétrie au fait que quand Tristan se confie à Caerdyn... Elle-même entend la raison pour laquelle... Donc il y aurait aussi une symétrie de Tristan qui est la duplicité de Tristan dans cet ensemble-là. Bon, c'est dommage qu'on ne l'ait pas, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de pouvoir la comparer. Et voilà, c'est un peu le truc qui est dommage, c'est que c'est finalement le texte le plus fragmentaire des deux, mais c'est celui qui aura eu la plus grande influence, qui aura eu le plus de succès, qui aura été le plus adapté. Et finalement, au final, on a quand même une bonne idée de ce à quoi le texte ressemblait. On vous en parlera peut-être un peu plus si on fait un épisode sur les versions norroises des légendes arthuriennes de cette saga de Tristan. Et des enjeux qui ont été transposés, en fait, et qui ont été adaptés. Mais on peut y retrouver, si vous voulez, la structure plus ou moins originelle de celle de Thomas. Avec, bien sûr, beaucoup moins de digressions et de considérations philosophiques. On est dans une saga norroise, pas dans un roman d'amour français, un roman courtois. Mais voilà, toujours est-il que ces deux versions-là sont vraiment les cœurs de la légende. La version de Beowulf, même si elle a eu moins de postérité dans les médias, garde des éléments qui vont se retrouver... qui vont être mis assez en valeur par Bédier justement et Louis, et c'est celle qu'on connaît le mieux pour l'épisode justement de la forêt, donc elle a son intérêt quand même. Les deux sont intéressantes et les deux sont très contrastées. Ça vaut la peine de lire les deux et de comparer un peu, d'autant qu'elles ne couvrent pas les mêmes histoires, donc vous ne lisez pas les mêmes aventures. Non, c'est vraiment intéressant, je crois, de lire les deux en tandem. Ça révèle, disons, peut-être aussi plus de choses, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres textes arthuriens, finalement, pour lesquels des traditions aussi primitives subsistent de façon concurrente. C'est assez spécifique à Tristan, en fait. Il n'y a pas, à partir de Chrétien, il y a bien des versions qui se séparent, mais qu'on ait aussitôt deux versions très différentes dans le style, dans le ton, c'est aussi assez intéressant, et ça révèle peut-être aussi le fait que les histoires de Tristan circulaient beaucoup, même si elles ont finalement assez peu survécu sur papier à nos jours, enfin sur papier, sur papyrus, sur parchemin, en version écrite, disons, de nos jours, elles devaient circuler de façon assez large. On va se retrouver pour conclure et parler de deux petits épisodes qui restent à discuter dans quelques minutes après cette petite pause musicale. Et on est de retour pour conclure cet épisode sur les premières versions françaises de l'histoire de Tristan et Iseult, pour parler un peu des Folies Tristan. Alors, la Folie Tristan, c'est un épisode qu'on appelle, donc, comme vous pouvez l'imaginer, un épisode où Tristan est fou, il se fait passer pour fou, il se fait passer pour un mendiant lépreux ménestrel, et il arrive incognito à la cour, donc les deux textes sont assez similaires de ce côté-là, sauf que c'est plus, en fait, un cadre narratif qui lui permet d'évoquer les épisodes passés de l'histoire, en fait. Et on voit que la version de Beowulf se rattache vraiment à la version de Berne, ça c'est facile à retenir, ça commence par Ber, et la version d'Oxford plutôt à celle de Thomas, notamment dans la version de Beowulf, il mentionne l'ermite Ogrin, et le dynaste Dinan aussi, qui est un ami de... Le dynaste Dinan, donc des éléments qui se retrouvent. Il faut dire aussi que la version de Berne est un peu plus courte, hein, elle est à peu près deux fois plus courte en fait, elle fait à peu près 500 vers, quelque chose comme ça, ouais. À peu près 1000 vers pour la version d'Oxford, même si on a récemment trouvé à Cambridge justement un fragment de la version de Berne. Oui, qui permet de consolider un peu des passages lacunaires. Mais donc la version de Berne commence par le fait que Tristan est brouillé avec la cour, donc ça on imagine bien. Il craint le roi se dit « je suis passé pour un idiot », et effectivement le texte va quand même le montrer de façon assez peu perspicace, on va dire. Tristan se dit que, bah, d'abord il se lamente un peu bien sûr, ça fait partie de son personnage, et il se dit « je vais me déguiser en fou ». Il va changer son nom par un procédé absolument astucieux et impossible à percer. Ce génie de la cryptographie a décidé de, comme patronyme pour son identité de fou absolument impossible à reconnaître, il a choisi le nom Tantris. Alors, comment est-ce qu'on pourra reconnaître Tristan de Tantris avec cet usage idiosyncratique du verlan ? Il tient une massue à l'allure d'un fou, chacun le hue et lui lance des pierres à la tête. Il poursuit sa route sans s'arrêter. Il arrive à la cour, et là, on lui demande quel est ton nom, il dit qu'il s'appelle Picus, quel est ton père, un mort. Ce qui est curieux, parce qu'il a déjà choisi un pseudonyme, maintenant il change de pseudonyme. Ah, un deuxième, à jour. Il joue aux échecs en 8 dimensions, on peut pas le suivre. Et il dit que sa mère c'est une baleine, j'ai une sœur que je vais vous amener, la jeune fille s'appellera Brune, elle sera à vous et moi j'aurai Ise, si nous échangeons que feras-tu? Et il dit, il commence à dire... je n'ai pas encore fini mon histoire, roi, dis-moi donc où est Brangien, je te jure, ma main dans la tienne, de ce breuvage qu'elle versa à Tristan et qu'il fit ensuite cruellement souffrir, Ise ici présente et moi-même en bume. Alors, on s'attendrait à ce qu'il évoque les épisodes de façon assez énigmatique, enfin un peu à la Merlin dans la Vita Merlini, genre qu'il dise des choses que les gens ne comprennent pas, mais là en fait, il raconte l'histoire en clair, hein. Il est en train de dire, oh au fait, j'ai bu le filtre avec Ise et puis tu nous as trouvé dans la forêt et puis tu as mis tes gants dans le trou du feuillage, il raconte ce qui s'est passé, et t'es là, mais pourquoi est-ce que Marc ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il y a un moment où il me dit même « Ah, regarde-moi, je ressemble à Tantris, n'est-ce pas ?» Et puis après, si tu mets le tris devant le temps, c'est Tristan. Qu'est-ce qui se passe ? Marc ne percute apparemment pas. Il se dit « Waouh, ce fou ne peut physiquement pas être Tristan. » Et finalement, Brangien, Ise est apparemment ému par le fou, même si elle ne le reconnaît pas immédiatement. Brangien le lui amène, et puis elle finit par reconnaître Tristan quand il lui dit explicitement qu'il l'est. Ise et Brangien débattent, genre, mais est-ce que c'est vraiment Tristan? Parce qu'il m'a insulté hier, et puis quand il est arrivé au port ce matin, et c'était Tristan, il n'avait pas fait moi ses plaisanteries grossières. Et puis elle dit, ah, je l'ai fait pour me couvrir. Et puis c'est littéralement, il se comporte comme un abruti, alors tout le monde ne comprend pas que c'est lui. Il évoque ses souvenirs avec Ise, notamment à propos de l'ermite Ogrin, qui les avait apparemment dissuadés, et Ise reconnaît son anneau, le chien Usdan le retrouve, et joyeux face à lui, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, procurez-lui des vêtements, pendant que le roi est à la chasse, vous pouvez profiter un peu d'être ensemble, et à la fin, sur ces mots, sans faire de bruit, Tristan se glisse sous la courtine, et entre ses bras, il tient la reine, donc ils sont réunis brièvement. Ce qui est intéressant, c'est que la version, là, nous donne la raison pour laquelle Brangien a donné le filtre. En fait, elle a commis une méprise, elle a rempli une coupe parce qu'ils avaient soif, il faisait très chaud sur la mer d'Irlande, ouais, bon. Ils étaient en train de traverser. Il faisait très chaud, purement fictif. Il faisait très chaud, du coup, ils avaient soif, et Brangien a commis une erreur, en fait. Et c'est ça qui est intéressant avec ces folies, en fait, c'est qu'elles nous donnent des éléments, d'ailleurs, la plupart du texte, pour ce qui se passe avant les bouts qu'on a, on peut finalement assez bien le reconstruire, en fait, en disant juste les folies Tristan. Il n'y a même pas besoin d'aller très loin dans la version norroise, finalement. On peut... remplir les trous assez facilement. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Il y a une tendance à la répétition et à l'explicitation. Peut-être aussi un besoin fait simplement du fait que cette histoire circulaire devait être racontée. Et parfois, vous allez devoir raconter « je vais raconter l'histoire de Tristan et Ise, je vais raconter cet épisode, mais vous ne souvenez peut-être pas tous les détails, donc je vais devoir vous répéter. » Et c'est ça une fonction aussi, si à la base la tradition est orale, de rappeler et de remémorer l'origine de l'histoire et pourquoi on a fait ça, voire même peut-être à remettre en question certaines choses ou à corriger certaines tendances. Enfin, toujours est-il que ça a une fonction peut-être purement narrative, pratique, dans le cadre d'une narration épisodique. La version d'Oxford est un peu plus longue, mais elle est très similaire. En fait, elle se distingue surtout sur le fait qu'il y a beaucoup moins de détails, elle est plus énigmatique. Là, pour le coup, Tristan est un peu plus malin. Il va de nouveau, mais on sent qu'elle a la parenthèse de Thomas parce qu'il va se languir. On commence sur le fait qu'il désire mourir parce qu'il n'a pas Ise. Il séjourne dans son pays. On ne sait pas encore s'il s'est marié avec Ise au Blanchemain. Il a besoin de consolation. Il est dans de sombres pensées. Mais il décide de revenir en Angleterre. Il cache bien son jeu et il se rend là-bas. Alors de nouveau, il y a la même idée. Il va se faire passer pour un en échangeant ses vêtements avec un pêcheur déjà. Il va finir des pauvres vêtements. puis il va se déguiser de nouveau, mais là il semble se déguiser non pas tellement en mendiant, mais une espèce de pseudo géant en fait, hein, une espèce de monstre mythique, un géant avec une massue. Il a aussi une massue dans la, voilà, la version Bérou. Il tient une massue, il s'arrache un pieu à une haie, puis il le suspend à son cou. Mais alors là, c'est carrément plus dingue que le je suis le fils d'un morse d'une baleine, ma sœur. Voilà. Là, c'est carrément. C'est l'homme sauvage. C'est l'homme sauvage. Et il parle de façon. Quand le portier lui dit d'approcher, il répond. Il lui demande vous venez d'où, en gros. Et lui, il répond. Je suis allé aux noces de l'abbé du Mont. À ce noces fuit l'abbé de Mont, donc le Mont Saint-Michel, qui ben qu'une nuit une abbesse a dépousé une grosse dame velée. Il n'est ad prestre né abbé né moine ne clair ordiné de Besançon d'Escalmonde, de quelle manière qu'ils sont qui ne se remandaient à ce noces. Donc l'abbé du Mont Saint-Michel s'est marié avec une abbesse, forcément, monsieur, madame l'abbesse, ouais. Qui est une grosse dame voilée, et tous les prêtres, abbés, moines, clercs, tout le monde de Besançon jusqu'au Mont, ils ont été invités, ils sont allés là-bas, ils ont sauté, joué dans l'ombre, et je les ai quittés parce que je dois venir me mettre au service du roi Marc. Et puis le portier rigole, puis dit vous êtes le fils d'Urgan le Fou, qui est une figure assez similaire, un géant comme ça. Vous êtes bien rigolo, vous ressemblez parfaitement à Urgan. Et du coup, le fou. Entre, donc Tristan entre, et là c'est les jeunes gens, les valettes, les esclis, comme faites lui, Vis le fol, voyez le fou, donc il y a l'onomatopée du rire, enfin, des huées en tout cas, et donc il lui lance des bûches de bois à la tête, voilà. Il lui balance du bois, alors bon, ça c'est Tristan qui se demande est-ce que ma couverture de fou va réussir, et puis les gens explosent de rire et lancent des bûches dessus, c'est parfait, le plan machiavélique, c'est ça, et puis donc le roi lui explique toute l'histoire, il dit ben vous direz d'où je suis et que si quis est, donc je vous dirai bien d'où je suis et ce que je cherche. Ma mère était une baleine, comme une sirène, elle hante les mers. Je ne la connais pas bien, je ne sais pas où je suis né, mais je sais bien qui fut ma nourrice, une grande tigresse qui m'a allaité dans les rochers. Elle a cru que j'étais son fang. Parce que, ici, le fang ne désignait pas simplement le fang. C'est un bébé sauvage, en fait, le fang ici. Elle me nourrit de sa mamelle, et j'ai une sœur que je vous donnerai en échange d'isoe, donc ça, c'est la même chose que dans la version de Berne. Et là, il explicite qu'il est là d'isoe, il doit être là d'isoe, ça fait tellement longtemps qu'elle est avec lui. Non, mais tu peux... On se demandait si il compte sur le remarque pour être assez bête pour dire « Ok, je te donne l'isoe », puis on se barre. Mais bon, toujours est-il que tout le monde trouve ça très très rigolo. Isoe est un peu, en fait, la seule à ne pas trouver ça rigolo. Dans la version de Berne, c'était pas tellement... C'est pas censé être si drôle que ça, enfin ça paraît pas très drôle. Là, c'est vraiment tout le monde se marre, tout le monde trouve adorable ce génial comique. Et Isoe est la seule qui dit non, tu mens, parce qu'elle connaît il fait allusion à des bouts de l'histoire et il est un peu plus cryptique. Et là, il lui dit, mais là par contre, là il revire dans la transparence la plus totale. Rénizeux, il lui dit, parce qu'il voit qu'elle a réagi à lui, je suis tant triste qui vous aime tant. Souvenez-vous, quand je suis blessé. Bon, là, oui, il a l'élégance de dire que beaucoup de gens connaissent l'histoire que je vais vous raconter. C'est-à-dire que les histoires autour de Tristan et Isoe devaient circuler, donc, ouais. Qui peut faire croire légitimement qu'il a entendu ça ailleurs. Et voilà. Et il lui dit des détails, il lui raconte l'histoire de l'Irlande, de la harpe, de comment il l'a trouvé en Irlande, comment il a tué le dragon. Bref, c'est aussi une des sources pour les événements tels qu'ils étaient racontés dans la version norroise. Et donc, on n'a pas simplement cette source pour dire voilà la quête de Tristan en Irlande. C'est aussi lui qui l'explique dans cette folie. Bref, il y a plusieurs événements qui vont de nouveau, comme dans la folie de Berne. Isoe va envoyer Brangien le chercher parce que Brangien pense qu'il est peut-être le messager de Tristan. Et qu'il lui a raconté 2-3 trucs pour transmettre un message. En fait, il va expliquer qu'il est Tristan, il va lui raconter d'autres détails qu'il n'a pas dit à la cour. Il va notamment expliquer une histoire comme quoi Isoe, après son arrivée en Cornouailles, s'est fait kidnapper par un harpiste, un genre de joueur de harpe de Hamelin, qui l'a sauvé. Bref, il va lui prouver, et finalement lui prouver par, en fait, Usdan, le chien qu'il lui avait confié. Elle était restée avec Usdan, en fait, après le départ de Tristan, après l'épisode de la forêt. Et là, il semblerait, le chien reconnaît son maître, et du coup il peut prouver que c'était lui grâce à ça, et il va se démaquiller en fait et prouver son identité, et va pouvoir rester quelques jours avec elle. Et c'est là que se termine la folie de d'Oxford. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ces deux épisodes conservent vraiment le même, plus ou moins les mêmes événements. Alors ils ont des différences sur quels éléments sont racontés, mais ils commencent au même moment plus ou moins, et ils se terminent au même moment plus ou moins. Ce qui m'intrigue un peu, enfin c'est possible que ce soit un genre d'histoire qui est justement circulaire de façon individuelle. Ce serait une attestation de ce genre de circulation épisodique. C'est une bonne façon de compresser les événements, parce que comme ça, vous n'avez pas à le raconter. Et puis en fait, comme vous le remarquez si vous regardez des mauvais raconteurs d'histoire, c'est beaucoup plus facile de faire allusion à une histoire que de la raconter. Et du coup, vous laissez les gens boucher un peu les trous. Donc une fois que l'histoire est connue, c'est beaucoup plus facile de rédiger une folie Tristan et puis de juste le faire évoquer des trucs qui prendraient quand même beaucoup plus longtemps à raconter. Il y a peut-être aussi ce côté où vraiment c'est une compression de ce cadre narratif, en fait. Vous gardez tout, vous gardez une forme très compressée, ça donne une histoire très courte, finalement. Un peu comme, finalement, vous voyez le chèvrefeuille de Marie de France, dont on parlera la prochaine fois, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas l'histoire, ce texte ne va pas être très puissant pour vous. Mais si vous la connaissez, ça, c'est une évocation poétique sur une histoire qui est déjà connue, en fait. Et donc, ces folies, en fait, sont peut-être une de nos meilleures sources pour ça, parce qu'elles sont justement ces épisodes qui circulaient. Il y a aussi le fait que, bêtement, si vous avez, pouvez juste faire des allusions à quelques événements, ça vous évite les troubles de Thomas qui se plaint de savoir exactement quelles sources s'il doit utiliser pour ça. Si vous avez juste les grandes lignes, bah vous êtes pas, personne ne peut vous accuser d'avoir préféré une version à une autre. Il y a peut-être aussi un peu de ça. Toujours est-il que ces deux versions sont du coup assez intéressantes et elles ont l'avantage de se rattacher assez, disons logiquement, avec l'une des deux traditions. La version de Berne, dans son style, est très proche de celle de Bérulle. Il y a des événements et des personnages qui sont fait allusion qui sont seulement chez Bérulle, notamment le Dinas de Dinan. Mais aussi l'ermite, alors que chez la version d'Oxford, c'est un peu différent, mais le style est très très proche de celui de Thomas. C'est probablement justement des continuateurs, c'est pas forcément les mêmes auteurs, mais c'est des continuateurs, des gens qui s'inscrivent dans cette tradition-là. Et donc c'est assez intéressant de voir Tristan pour ça, je pense, dans le grand ordre des choses. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup parlé du roi Arthur, il est essentiellement mentionné comme une espèce de force d'autorité supérieure à celle de Marc, ou en tout cas égale, sinon supérieure. Auquel on peut faire appel, dont les chevaliers respectent Tristan. Tristan se met au service du roi Arthur par moment, on n'a pas d'aventure détaillée. Mais tout cela va, disons, contribuer à rallier Tristan, un peu comme la façon dont l'avait été peut-être à l'époque plutôt la Celte, Owain en fait. C'est une figure assez similaire à celle d'Owain qui existe plus ou moins indépendamment, peut-être même totalement indépendamment, et qui va finir par être agglomérée avec le roi Arthur. Il mentionne d'ailleurs des figures autres dans la folie Berne. Il y a une mention du roman d'Hider, qui lui date du XIIIe siècle, mais qui probablement est plus vieux, où Hider défendait la reine Guenièvre contre un ours, pendant qu'Arthur était loin. Ce qui est un roman un peu bizarre, parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit Lancelot qui le fasse plus tôt, mais en même temps, Hider est un personnage qui a testé anciennement, donc peut-être qu'il a une connexion avec Guenièvre. Et là, il dit « Ah, je me suis sacrifié plus que Hider pour Guenièvre ». Donc on a déjà des parallèles qui sont faits entre ces histoires. Ça fait partie du même continuum d'histoire, mais c'est vrai que ça va rester longtemps marginal, jusqu'au Tristan en prose, qui va vraiment... Tristan en prose, c'est basiquement, on prend l'histoire de Tristan Iseux, et à la fin, quand Tristan se barre et est malheureux, on va lui faire rejoindre la quête du Graal, en fait. Et puis comme ça, il rejoint toute la bande, et puis il peut devenir pote. Et ça, ça va avoir de l'influence, notamment sur ce qu'on peut appeler le cycle post-Vulgate, notamment avec le personnage de Palamède, qui est donc un personnage supplémentaire. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui avait encore une existence propre, mais plus tard, bah, il va juste se fondre dans le décor et puis devenir un chevalier parmi d'autres. Ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est qu'il faut lire Tristan, c'est peut-être plus compliqué à lire que de lire Lancelot, de lire Yvain, mais ça vaut la peine aussi pour cette vision un peu différente de la relation impossible entre deux amants, qui est très différente de la version de Chrétien de Troyes, je trouve, à la fois... Disons, elle souligne plus le côté peu pratique. Chez Lancelot, finalement, Lancelot et Guenièvre, c'est quelque chose d'assez superficiel comparé à Tristan et Iseult. C'est un amour sincère, profond, mais il ne se passe pas grand-chose, ils ne se retrouvent pas tant que ça. Et dans la version de Lancelot, ils passent une nuit ensemble. C'est vraiment un truc beaucoup plus, idéalisé. Voilà. Ouais. Alors que là, chez Tristan et Iseult, c'est quelque chose de beaucoup plus dramatique, beaucoup plus impliqué, et mais presque, très aboutissant. Presque plus réaliste, en fait. Vous avez plus de contact avec la réalité de ce que serait une relation ironiquement, adultérine. Ironiquement, il y a ce côté fantastique, merveilleux, le filtre. Ils sont, disons, poussés à l'amour fou par une raison particulière. Mais là, il y a vraiment quand même un réalisme psychologique dans la façon dont ils sont décrits, dans la façon dont ils vont, l'histoire va être poursuivie et les aventures vont se continuer, en tout cas. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On vous parlera la prochaine fois justement du chèvrefeuille parmi d'autres laits de Marie de France et peut-être d'autres laits aussi anonymes ou qui sont proches. On va essayer d'aborder un peu cette littérature-là aussi. C'est une tradition aussi de textes plus courts, dans lequel bah, justement on va s'intégrer ces histoires autour de Tristan, mais d'autres éléments non tristaniens vont aussi faire partie des Lettres de Marie de France. Elle en a fait plusieurs, on va pas parler de tous, hein, on va simplement, ce sera peut-être un épisode un peu plus court justement avant d'aborder à moyen terme l'iceberg qu'est le cycle du Lancelot Graal, mais enfin on est encore en train de prendre notre élan, vous en apercevez. Sinon comme d'habitude, ben, merci pour votre écoute, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas, si vous voulez nous aider à nous diffuser, de nous partager, de nous commenter, de nous noter sur iTunes, si vous écoutez par iTunes, de nous faire connaître. Bien sûr, merci de rester à l'écoute toujours avec nous. Et on vous dit à la prochaine fois. À très bientôt. vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce, rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Dans Tech2, Franck et moi examinons la technologie aussi bien dans le cadre du travail que dans celui des loisirs et de la vie courante, de Microsoft Word jusqu'à Netflix. À chaque numéro, on vous propose donc un gros dossier thématique. Et si on va vous parler d'actualité avec Yann, on le fait avec un twist particulier. Parce que des podcasts qui en parlent de long en large, non seulement ça ne manque pas, mais c'est aussi tout simplement pas notre but. Pour nous, l'actu, c'est une rubrique hybride. On vous parle des news qui résonnent avec notre façon d'utiliser la technologie, mais aussi des objets et des applications qu'on vient de commencer à utiliser et qui mérite d'être évoqué. Tech2, c'est un lundi sur deux sur Radio Kawa.